Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Alex Marchand nous fera cramer le cerveau de ces informations brûlantes de la GFTR et Jean-Philippe Charbonneau éteindra le feu avec sa bono dans une grosse pointe d'adresse. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce jeudi 2 février 2017. On est à quoi? 84 jours de la fin de l'année scolaire. On est en direct des studios de 6 fois à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante et aujourd'hui, Tania Baudin a congé, je pense, et c'est Caroline Néron qui la remplace, c'est ça? Ouais, ça ressemble à ça un peu. Une petite voix rauque, sexy, hein? C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. C'est parce que hier, j'ai regardé une entrevue de Caroline et Éric Lapointe, puis okay. Je me suis dit que je voulais faire partie de la collection de bijoux à sort quand? Exactement. C'est non, pas une collection de foulards, par contre. Ah, je préfère ça. J'ai le rhume. J'ai le rhume. Je me suis levée ce matin et j'avais la voix de Caroline et mélangée un peu avec, tu sais, le gorille. Le... Arambé? Il est mort! Pas celle-là. Fais pas de chose. Celui qui était sur un immeuble de New York. King Kong. King Kong, voilà. Ah, wow. C'était pas un film muet à la base. Oui, mais écoute, je me suis dit que si jamais ce gorille-là parlait, il devait parler comme moi en ce moment. Wow, Colin. Donc, c'est ça. C'est charmant, charmant. Tout ça pour dire que t'auras pas ta chronique aujourd'hui? Non, parce que comme là. Elle passe son tour. C'est ça. On parle de vapoteuse aujourd'hui. Pour une fois, c'est moi qui est malade, puis Mathieu est pas malade. C'est rare quand même, j'avoue. C'est vraiment très rare. Et c'est pas moi qui lui a transmis cette fois-ci. Je tiens à remercier la personne qui me l'a transmis. Incroyable. Oui, salut. Meurs dans ton lit. Oh, ben, Colin. Ça fait du seul. Aujourd'hui à l'émission, on a Alex Marchand à 8h pour la chronique de la GFTR. On va parler de ce qui s'est passé au passé, au présent et au futur. Ensuite, à 8h30, chronique spéciale, on va parler avec Alassane Kouyi d'un tout nouveau sujet qu'on n'a jamais abordé ensemble, les régimes. Ok. Je me souviens pas de ça. Non. On dirait qu'il n'y a pas de trace de ça. Aucune trace. C'est comme si ça n'avait jamais lieu. Et puis à 9h, on aura une grosse pointe d'adresse avec notre invité spécial, notre collaborateur à l'étranger, Jean-Philippe Charbonneau. À l'étranger, j'adore oui, ça. Oui, ben, il était la dernière fois dans sa cuisine. Sa cuisine, oui. Au centre-ville de Trois-Rivières. C'est bien vrai. C'était peut-être que chose. Là, il sera en direct de son bureau. Peut-être. Nos satellites se rendent là tellement loin. Incroyable. Donc ça va être vers les 9h, ouais. Plus ou moins. Sinon, ben, je vais faire la chronique Une grosse pointe d'adresse avec les nouvelles de fast-food. Et on va débuter l'émission avec la chronique Sexe, ça ne devrait pas. Là, dans quelques instants. C'est génial, ça? C'est excellent. Ça fait ton affaire pour te remplacer. Ça fait très bien. Mais avant ça, on va s'écouter une chanson, bien sûr, pour débuter notre émission. Ben et oui. J'ai envie de commencer, étrangement, en anglophone. D'habitude, on a la tendance de commencer en francophone. Mm-hmm. Donc, on fait le contraire. Voici, pour se faire pardonner, Tania, de ce que tu as dit pour la personne qui t'a transmis son rhume, voici de Top Boost, What If She Loves You? Mais ça paraît pas si c'est le cas. C'est un assemblage requis. How can she move on? She Le tabou, c'était What If She Loves You? Assemblage requis. Si elle t'aime, il va falloir que tu lui achètes plein de choses qui valent ben de l'argent. Genre des Traction Aid. Genre des Traction Aid pour réussir à sortir de la neige. C'est ça. Ouais. Pour la Saint-Valentin. Ben oui, pour la Saint-Valentin. Le cadeau le plus conseillé. Moi, je veux pas de chocolat, je veux pas de fleurs à la Saint-Valentin, je veux juste des Traction Aid. Est-ce qu'on fait ce concept-là, Canadian Tire, parce qu'on leur donne sinon? Sérieux, je pense qu'on pourrait vendre le. Ouais. On pourrait vendre cette idée. Comment on appelle ça, des spark plugs? Pour être placé en bouquet. Ouais, exact. Des extensions genre électriques pour faire chauffer ton... Oh, ça c'est une bonne idée. Plein de concepts de même, on est marketing. On adore ça. Bref, c'est, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ça ne devrait pas. On l'a, la chronique dans laquelle on achète des gadgets sur Internet et on le regrette juste après, instantanément. Et je viens de voir sur à peu près tous les sites que je visite, là, j'ai comme un million de sites pour les gadgets. Là, et chacun diffuse la publicité du film de Lego Batman, 10 février. Ça a l'air cool, ça a l'air bon. Toi, c'est ça? Moi, c'est pas ça. Non, je sais, mais c'est personnalisé. Ouais, je sais. C'est ça. Donc, commençons avec notre premier gadget. Tu sais, quand t'as besoin de regarder les choses de près, t'as besoin de jumelles. Oui. Hein? Mais Colin, que c'est difficile à tenir, ça. Les jumelles? Tu sais, là, quand t'as juste une main ou t'as pas de main. Elle s'appelle comment? Je te le dirai un autre jour. ce sont donc des jumelles que t'as pas besoin de tes mains pour les tenir parce que c'est des lunettes. Ah, oh, OK. Ouais, c'est tellement pratique. Tu parles des jumelles de vue. C'est ça, oui. OK. Ah, excuse-moi, OK. J'ai compris la question différemment. Donc, ouais, j'ai vu ça. Hands-free binoculars, c'est sûr. Assemblagerequis.com pour le lien. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Il n'y a même pas de détails dans l'article à part dire que tu peux t'en servir. Ouais, puis le gars, il a même pas l'air d'aimer ça. J'ai pas. T'as une photo d'un gars, toi? Non, ben, je me suis dit que c'était un gars. Ah, bon. Bref, je ne vois que les lunettes. Je me dis de mon que côté. Rarement une fille écrirait un article comme ah, ça. Ah, voilà. Ensuite, tiens. Quand t'as un chat, oui. Hein, et que le chat essaie toujours de s'échapper de la maison avec, je sais pas, il passe par-dessus la clôture. Il grimpe sur la clôture, il passe de l'autre côté du terrain. Électrocute-le. Ben, quand t'as pas l'argent pour une clôture électrique, tu peux t'acheter cette clôture qui s'appelle Cat Containment System. C'est comme, sur le dessus de ta clôture, tu vas installer, c'est comme des genres de lattes, si okay. on veut. Et quand ton chat pèse sur la latte, ça fait tourner. Ça tourne dans... dans le sens... Fait qu'il va juste jouer avec, il s'en c'est plus. C'est donc à quatre lames, si on veut, sur les côtés. C'est fait en aluminium et ça se monte sur le dessus de la clôture. Et votre chat ne pourra pas avoir de traction et s'accrocher sur le dessus de la clôture pour grimper. Ça coûte 80$ canadiens. Ensuite, pour dormir toute la journée, justement, parlant de chat, c'est une balançoire en forme de genre de bulle, de sphère. Il y a le pauvre chat, il a tellement pas l'air confortable. C'est du plastique transparent, mais apparemment qu'ils aiment bien ça parce qu'ils montent eux-mêmes dedans tout le temps. Ah. Donc, c'est vraiment une sphère et ton chat est pogné dedans un petit peu comme contorsionné. C'est sur Kickstarter, c'est le Dim Dim The Bubble Bowl. Ça coûte 32$ américains. Une bulle transparente, une balançoire pour votre chat qui aime s'asseoir dans de drôles de choses. La vie rêvée pour votre chat. Dim Dim. Hey boy. Complètement transparent et votre chat va pouvoir se reposer et adorer ça. Et en plus, ça va être super mignon parce que vous allez pouvoir prendre des photos d'en dessous. Tu sais, où genre il va sortir ses petites pattes sur le côté. Il y a le mode chaise, le mode balançoire et le mode lit. On peut l'installer différemment en mettant les cordes de différentes longueurs sur chaque côté. Pour eux, ça revient pas nécessairement à tout à la même chose? Ben, ouais, mais oui, mais... Ouais. C'est bon un point. Chat. Ouais. Mais la position est différente. Et ça vient avec les crochets, ça vient avec le fil d'aluminium ou de je sais pas trop quoi qui tient tout ça. Donc, voilà. Transparent, acrylique. Heavy duty. Ensuite... Ah, tu sais, de la pâte à biscuits, on nous dit tout le temps sur l'emballage qu'on ne devrait pas manger ça. Mm-hmm. Cru, évidemment, sans la c'est faire vrai. Cuire. Ben, voici de la pâte à biscuits mangeable. Le délicieux goût de la pâte crue sans le risque de salmonelle et autre empoisonnement en mangeant de la pâte à biscuits. Délicieux, fait avec une recette spéciale qui n'utilise aucun œuf cru. Ça veut dire que c'est complètement correct à manger, sécuritaire, autant que vous en voulez, pour 11,70 $ canadiens. Allez, bon cookie dough! C'est sur edible.com, edouglebl.com. Ils ont essayé de faire un jeu de mots avec edible puis do. Ça a plus ou moins marché. Ensuite, si tu détestes te passer la soie dentaire, est-ce que tu fais ça, c'est la pire affaire au monde, ça fait mal à la gencive, je sais pas. Oui, ça saigne, ça. Non, c'est pas le fun. Pas cool. Donc, ce gadget-là pourrait rendre ça un petit peu plus amusant. Hein? Donc, il faut se passer la soie dentaire au moins une fois par jour. C'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, ce gadget-là est supposé vous aider. C'est comme une rondelle de hockey. Mm-hmm. C'est un distributeur de soie dentaire et ça se colle sur votre miroir de salle de bain. Là, ça a l'air con jusque-là, ouais. Mais ça fait plus que juste te donner de la soie dentaire. Hein? Ça te dit, vas-y, t'es capable. Si tu appuies sur l'appareil, ça va te donner exactement la bonne longueur de soie dentaire à partir du haut. Et il va y avoir donc un petit... une lumière LED sur le côté qui va s'allumer avec un petit sourire bleu si tu te passes la soie dentaire une fois par jour. Et ça va devenir un genre de bonhomme fâché rouge si vous sautez une journée. C'est une blague. Je te jure. On prend vraiment les humains pour des innocents. Et Floss Time en plus, oui, vraiment. Et Floss Time en plus va compter, va avoir un chronomètre pour te dire si t'as assez fait ça longtemps. Mais ben comment même... il peut le savoir? Si tu fais juste prendre le bout, ouais. Puis t'en aller dans le salon, ouais. Là, puis tu reviens, là. Une question de responsabilité. Là. Selon lui, il pense que tu l'as fait. Et si jamais, mettons, vous êtes deux dans la maison, il y a un mode deux utilisateurs pour pouvoir partager la POC avec une autre personne. Et ça vient avec un an de soie dentaire si vous êtes pour une personne. Et ça coûte 30$. Les cartouches additionnelles coûtent 6$. Donc oui, un autre produit qu'il faut s'abonner pour en avoir. Flosstime.com. Ouais. C'est bon, par contre. Ah, c'est cute, c'est cute. Très bon. Ensuite, ça, c'est le fun pour les gens qui aiment les vinyles. Tonton, on va accueillir Jean-Philippe Charbonneau dans la chronique Une grosse pointe d'adresse. Il est amateur de vinyle, il a son tourne disque et il achète des disques fréquemment. Donc, pour ouvrir vos horizons musicaux, vous pouvez vous inscrire à la boîte d'abonnement Vinyl Record Subscription Box. C'est un service mensuel qui vous offre, dans le fond, un pressing exclusif d'un disque sélectionné avec attention, avec tout ce qui était emballage original et un son remasterisé. C'est donc le cadeau idéal pour les audiophiles pour 40$ canadiens. Très cool! Très cool. Très beau. En plus, les vinyles, des fois, sont comme celui-là sur la photo. Il est tout vert. Tout vert. La couleur. Vert. Ensuite, est-ce que t'as des restants de fruits, des fois, puis là, tu finis par les jeter parce que c'est plus bon? Oui. Oui, bon. Fallait répondre oui pour... juste enchaîner. Ouais. Bref, transformez vos fruits, vos restants de fruits en cidre avec Alchemy, voilà. Donc, il y a une culture qui jette beaucoup de choses, mais on devrait pas des fois jeter certaines affaires. Donc, le Alchemy Home Cider Making System n'est pas fait pour recycler en tant que tel, mais ça va quand même vous empêcher de, dans le fond, de réutiliser. Ça va être plus pour réutiliser que pour recycler. OK. Parce qu'on va garder la fonction du fruit. Recycler, ça sert de le changer en d'autres choses, je pense. C'est-tu? Parce qu'on a recyclé, réutilisé et... Il y en a un troisième. Compost. Non, je pense pas. Bref, on va le transformer en cidre. Ça va nettoyer tout ça avec une lumière UVC LED Medical Grade, donc calibre médical. Et ça va surveiller le processus de fermentation pour transformer votre fruit en alcool. Il y a l'application sur le téléphone cellulaire qui peut même suggérer une recette. Donc, on peut faire pas mal de choses avec ça. En une à deux semaines, vous allez avoir 2,4 litres de cidre, environ 3 bouteilles de vin. Wow. Fabriqué à la maison. Ça coûte 429$ américains pour une précommande et ça devrait être envoyé à l'automne 2017. Fou. Mais une excellente idée. C'est une très bonne idée. Mm-hmm. Ensuite, des fois, les bagues originales, ça peut être cool. Tu sais, ça fait parler les gens. Ouais, mais celle-là, il est vraiment... C'est comme particulièrement le fun parce que les gens vont tout le temps le remarquer. Là. Ouais, non, mais c'est dégueulasse. Ouais, mais tu sais, mettons, peut-être avez-vous déjà vu quelqu'un qui a un doigt de plus, peut-être, ça arrive des fois, c'est 6 doigts à la main. Peut-être avez-vous déjà vu comme si c'était commun puis ça courait les rues, genre. Non, mais ça arrive, c'est comme, tu sais, ça arrive. Ouais. Il y en a qui vont se faire opérer, il y en a qui se font pas opérer, ça arrive. Bon. Ben, si là, vous... dans le film Espion en herbe, là, ouais. À un moment donné, il y en a qui en avaient, c'est à la tête. C'est à la tête? Eh oui. Ben, ça se portera pas sur la tête, malheureusement, parce que c'est une bague. C'est une bague. C'est des aliens. Oui. Qui vous rajoute un autre doigt. En fait, je pense que ça rajoute pas mal un autre petit doigt. Entre le petit doigt et l'annulaire. Oui, c'est ça. Donc, entre les deux. Parce que la bague est portée sur l'annulaire en tant que telle. Et ça fait un doigt qui saute par-dessus. C'est comme un genre de latex, donc ça ressemble à un vrai doigt. Et j'imagine qu'ils ont trouvé la personne, le modèle de main. Pour ressembler le plus possible à la couleur et aux ongles. Parce qu'on dirait que les ongles ont été taillés de la même façon. Bref, surprenez tout le monde avec cet artiste de Berlin qui a fait ce design-là et c'est accompagné de la bijoutière, qu'on pourrait dire, Nadja Bottendorf. Hein? Mm-hmm. Une collection donc de différents trucs comme ça, bizarres, pour mettre sur vos doigts. Est-ce que c'est mou comme bague? Ça le dit pas, je le sais pas. J'en ai aucune idée. Il y a aussi, je sais pas, est-ce que c'est elle qui avait aussi une oreille comme boucle d'oreille? Oui. Ouais, hein, c'est ça. C'est ouais. bien ça. Ouais. On a tout simplement décidé de faire une oreille en boucle d'oreille. En boucle d'oreille. On voit la personne taper sur un ordinateur et avec le comme à la place d'avoir un petit doigt dans l'air, c'est l'annulaire. Voilà. Ouais. C'est un genre. Ensuite, on a parlé tantôt de la Saint-Valentin et quoi offrir dans un magasin grande surface de trucs pour les chars. Là, oui. À la Canadian Tire, on se disait bon, des Traction Aids pour Saint-Valentin. Tu pourrais aussi offrir des roses en beef jerky. Ah, ça serait ton genre, hein? Ben oui, ça. Pour montrer votre amour à un carnivore, chaque bouquet de viande est fait de plus d'une demi-livre de premium bacon qui est plié à la main pour faire des roses mangeables. Hein? Chasse-galerie, attention, mois de mars, on exact. S'attend à des fleurs au beef jerky. Je prends les notes, là. C'est Alex Marchand, la GQTR. Bonjour. Allô. Ensuite... remplacez vos posters d'inspiration. Tu sais, tout le monde a des posters d'inspiration là, à demander dans les bureaux de psychologues ou je sais pas trop quoi. Tu vois un petit chat accroché après la corde à linge et tu te dis just oui. hang in there. Bon. Ay, ça m'énerve-tu, ça. Je le sais, c'est super cliché, mais vous pouvez remplacer ces posters d'inspiration-là par des imprimés de brevets très importants de trucs rétro. Par exemple, les plans du vieux Game Boy avec des lignes qui pointent dessus. C'est super cute. Ou encore le premier iPhone. Pas fou. Il y a le Kindle aussi, plein d'histoires de gadgets à succès. Donc, ça s'appelle Retro Patents, la compagnie. Ils ont trouvé une façon de faire des posters avec ça. Donc, selon TechCrunch, ils viennent de lancer leur magasin en ligne. Il y a le Nintendo 64, la Sony PlayStation, peu importe. Des designs super old school, comme une caméra photo de 1962, les premières machines de IBM en 1942. Donc, une sélection remplie de trucs du passé. Et aussi, pour ceux qui aiment plus le présent, il y a des trucs comme Uber et Airbnb qui sont disponibles en posters. Craig Watson et Aiden Sliney ont fondé l'application de musique sociale Soundwave avant de collaborer sur Retro Patents. Donc allez voir les images sur assemblagerequis.com. Les imprimés viennent en 12x18 pour 25$ ou en 24x36 pour 40$ et on peut les acheter sur retropatents.com. Et si vous voulez pas vous engager à l'acheter avant d'avoir vu les plans, vous pouvez aussi voir les brevets d'origine sur le site pour savoir ce que vous achetez. On aime ça. On va en faire un petit gang de derniers, mettons. Okay. Ça vous va, ça? On y va avec un toaster qui est assez solide pour faire du bacon. Hey, j'ai vu ça l'autre jour. T'as vu sur ça Internet? Passer? C'est vraiment ouais. cool. Donc, on a parlé déjà de grille-pain pour faire des grilled cheese, entre autres. Donc ici, on va se faire du bacon. C'est évident que faire du bacon dans le four, moi, c'est ma façon préférée. Il y en a qui le font dans une poêle, mm-hmm. peu importe. Et bien maintenant, il y a un grille-pain. On peut y aller avec 6 tranches de bacon à la fois et la graisse va tomber au fond du grille-pain. Ça s'appelle le Bacon Express, ça coûte 30$. C'est l'appareil qui va sur le comptoir et c'est parfait pour les fins de soirée par une compagnie nommée Nostalgia Products. Pour ceux qui ne seront pas assez motivés pour partir le four, le bacon directement dans le grille-pain. Bonne idée. Ouais. Mais pas votre grille-pain non, à non, la non. maison, le, non, faut, non. faut juste le rappeler. Et accompagnez-le avec l'autre grilled cheese toaster. Oui. Ça pourrait être bien. Ensuite, t'sais, une façon de ressentir la musique comme si vous étiez au club, t'sais, la chasse-galerie. Bon, le jour, c'est un café bistrot. Mais ça sent la veille. Ça sent la veille. C'est la pire journée. Aujourd'hui, Alex, c'est... T'as-tu été à la chasse-galerie? D'odeur, là. Non, pas encore. Laissez-moi deux minutes. OK. C'est comme poubelle, chlore, on dirait. Ben, ouais, liquide ménager, c'est là, ça. J'imagine. Nettoyant très, très, très ouais. puissant. Et fond de tonne 42. Bref, si vous voulez ressentir le club sans avoir à être dans un club comme la chasse-galerie le soir, c'est le bracelet, c'est l'appareil portatif. C'est une montre, dans le fond, entre guillemets, là, un bracelet, qui vous fait ressentir la musique comme si vous étiez au club. Ah, ouais. C'est drôle. C'est sur Kickstarter, ça date de l'été passé, mais ça peut être essayé en version finale au CES qui avait lieu au mois de janvier. Donc, une petite boîte noire qu'on porte sur son poignet comme une montre. Ça dit pas l'heure, par contre. Ça contient un petit, pas un vibreur, mais quelque chose comme ça qui va vous donner l'heure en tant que tel en faisant des pulsations sur votre poignet. Mais le beat en tant que tel va passer dans vos os et ça se branche à vos écouteurs avec une petite boîte sur le chemin. Là, c'est comme ta montre, t'as le fil qui va vers une boîte, puis bon... tout ça. Et la musique, ça va se communiquer par les ondes sans fil, Bluetooth, j'imagine. Et ça va vibrer en même temps que ta musique. Hmm. T'as des boutons sur le côté du bracelet qui est aussi rempli de chargeurs magnétiques pour pouvoir charger ton bracelet. Et c'est fait pour contrôler l'intensité de l'appareil. Et ça vient avec un effet de subwoofer. Donc ça va buzzer, ça va faire la pulsation, pareil comme votre IEM préféré. On peut avoir entre 10h et 12h de batterie sur une charge. Ça descend à 6 à 7 heures, dépendant si vous avez une très, très grosse vibration. Là, si vous mettez ça au max. Donc voilà, ça coûte 199$, assez cher pour un faux subwoofer pour votre poignet. Ouais. Mais quand même, ça va être disponible à partir du 7 février. Voilà. Ensuite, il a tellement été impressionné par l'odeur, Alex, il allait faire le ménage de la chasse. Ouais, c'est ça, exactement. Il est resté là, il est rentré, puis il est tombé. Boum. Un artiste va vous envoyer une boîte de vitres via FedEx pour montrer les résultats, parce que FedEx, c'est connu, comme bien d'autres compagnies de poste, ça va pas mal lancer ton paquet dans le camion souvent. Forte chance, ouais. Même si c'est marqué fragile sur le côté, tu peux pas vraiment te fier à ça, la poste. Donc, l'artiste Walid Beshti envoie des boîtes de vitres laminées à l'intérieur d'une boîte de FedEx. Donc, exactement la même grandeur. Il prend une boîte de FedEx et la boîte de vitres prend la même grandeur. Et envoie ça à différentes galeries d'art. Et ils peuvent voir les résultats, dans le fond, de ces sculptures craquées. C'est de l'art. C'est bizarre. C'est, ouais, bizarre. Ouais. Ouais. Ensuite, il va nous en rester... non, je crois que j'ai fait les deux autres déjà. Oui, voilà, c'est tout, c'est fait. C'est tout pour ça que ça devrait pas rouler là. Ce qui est parfait dans les temps, parce qu'Alex Marchand va pouvoir revenir tantôt pour sa chronique de la GEQTA. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Comme je disais, on prend une pause. AGEQTR et après ça, Alain Seigneur, Couilly. Et après ça, on a une grosse pointe d'adresse avec Jean-Philippe Chambolo. OK, oui. Restez là. Dans la zone 89.1. C'est fou! L'assemblage qui pour toi, oh oh oh, aujourd'hui. L'assemblage qui pour toi, oh oh oh, aujourd'hui. Toujours l'Assemblée de Tricœur ce jeudi 2 février. Ça va bien. On dirait des studios de Tifa, toi, Rivière, Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui. On a les effets sonores aujourd'hui pour vous accompagner ce matin. Oui, on a les toussements, comme vous à la maison, et les gorgées de quelque chose. Ben, il faut parce que sinon, je m'étouffe. Est-ce qu'on s'étire tous en même temps? Bon, les gens se sentent près de nous. Ah oui. C'est ça qu'il faut. Bon, y en a TVA. Avec la caméra 3, c'est merveilleux. C'est magnifique. C'est comme être présent en studio. Parfait. Les datas à la caméra 3. Salut! Personne nous a vu. Toutes pas à la même place pour tout le monde. Non, c'est ça. Moi, je dis salut vers en avant. C'est ça. Ça brise le gag un peu. Bref. On en profite pour faire un live un jour sur Facebook. Oui, on en a fait un. Hier, en fait. Hier, avec Alpha. Hey, 550 views, genre, à date sur Facebook pour ce live-là. Ça va très bien. Et justement, parlant d'Alpha, hier, il a ri de notre intro avec des petits chiens derrière. Oui, pas gentil. Notre super bonne intro, là, qu'on utilise tout le temps. Fait qu'on lui a dit que ça était pire, celle qu'on a fait jouer au retour de la pause. Puis là, on l'a fait jouer. C'est là qu'on l'a utilisé, tu sais. Hein? C'est Tania et moi qui chantons là-dessus. Hey boy. Hein? Wow. On pourrait la reprendre. Quelle voix avec des S. C'est excellent. C'est la cinquième dans la rotation, celle qu'on utilise le moins souvent. Ouais, et voilà. Bref, il y a une raison pour ça. C'est, ça. C'est plus un dada, un petit truc le fun qu'on a fait. Bref, tout ça pour dire que Alex Marchand est là pour parler de tout ce qui se passe dans l'Association Générale des étudiants de l'UQTR. Voici la chronique de l'AGEQTR. AGEQTR, AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTR parce que l'AGEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, yo. Salut Alex Marchand. Bonjour à vous. C'est le président de la GEQTR, le gars au sommet, tout en sur le dessus. Bon, plus en bas par exemple, parce que dans une association étudiante, c'est important de comprendre que l'assemblée générale est en haut de tout. Fait que dans le fond, moi, j'ai comme l'assemblée générale, le conseil d'administration, le conseil exécutif, puis moi je suis comme en bas de tout ça, fait que c'est moi qui mange toute la merde pis qui règle tous les problèmes. Wow! Je pense qu'Alex a des choses à nous dire. Les comptes qu'on jase! On lave son linge sale en famille! Non, mais c'est un peu ça pour vrai, mais j'aime ma job quand même. C'est beaucoup de travail, mais c'est très plaisant. Il y a beaucoup de rencontres avec beaucoup de gens merveilleux. On est très reconnaissant de ta présence et on espère que tu vas avoir un règne particulièrement long. Ah ben écoute, c'est bien gentil. Il reste 3 mois à ce règne-là, si on peut l'appeler comme ça. Mais on verra pour un deuxième. T'as pas encore dit si tu te représentais. Non, j'ai dit que je ne me représenterai pas. Hey, je ne me représenterai pas. C'est un bel exercice d'édition. J'avoue, hein, je ne me représenterai pas. Ah ouais, sérieusement, je vais peut-être le faire avant de faire de l'impro, celui-là. Pour être sûr de bien dicter mes mots. Mais tout ça pour dire que non, c'est ça, j'ai pas pris ma décision encore. Donc, mais j'ai dit à beaucoup de monde que je ne me représenterai pas. Donc, tu sais, ça garde le suspense. Ah, ok, c'est ça. Tu parce veux que j'étais comme à bout. Ben, tu sais, le mois de janvier a été très exigeant. Ouais. Durant le mois de janvier, c'était comme non, oubliez ça, je ne reviens pas. Mais là, c'est comme ça commence à se calmer. Fait que on verra. C'est ça. Ouais. Au moins, t'as l'impro pour te calmer un petit peu. Ah oui, ça me fait du bien. Et lundi soir, 20h. Donc, commençons par les activités qui ont lieu au passé. Donc, avant aujourd'hui, hein, le jeudi matin où on fait la chronique. Commençons avec le sondage. C'est quoi ça, un sondage pour quoi? Sondage pour la planification stratégique de l'AGE-UQTR que vous avez reçu en début de semaine, étudiants et étudiantes de l'UQTR. D'ailleurs, j'ai utilisé la formule inverse qui est en disant étudiantes et étudiants. Oui, hein, on remarque la tendance quand même. Oui, mais ça, savez-vous, c'est pourquoi que j'ai fait ça? Parce que les hommes ont été en premier tout le long de l'histoire? Non, parce que deux fois plus... Non, parce que les madames y sportent. Parce qu'il y a deux fois plus de filles que de gars à l'UQTR. Arrête-moi donc ça! Ben oui, fait que pour être représentatif, pour vrai, faut qu'on dise mesdames et messieurs, pratiquement ben, à oui. tous les vrai. Fois. T'as raison, je fais bien de plus mais à la cafétéria. C'est fou, par exemple, hein, parce que c'est vrai qu'on va dire étudiant, étudiante, mais du moment qu'on va dire mesdames, messieurs, les dames passent d'abord. Mm-hmm, tout à fait. C'est drôle, c'est vrai, ça. C'est bizarrement fait, en tout cas. Mais bref, sinon, la tendance serait de dire étudiant, trait d'union E, trait d'union S, de cette façon. Oui, aussi, entre autres. Mais c'est non, étudiante, on est en majorité. Moi, je sais, t'as pas compris? C'est même qu'ils l'écrivent, ou des points, des fois. On est dans un système démocratique, ouais, Mathieu. C'est la majorité gagne. Donc, c'est quoi ce sondage-là? Ça parle de quoi? Ça parle, en fait, de beaucoup d'éléments. Entre autres, on l'a séparé en plusieurs sections. Qui se décrivent comme suit. AGE-UQTR, on pose d'autres questions sur l'UQTR, on pose des questions sur la chasse-galerie et on pose des questions naturellement qui sont sociodémographiques. Donc pour en savoir un peu plus sur nos répondants. Sur votre code postal comme chez Walmart, hein? Ah, même pas. Non, on demande l'adresse courriel par exemple parce qu'on fait tirer une carte cadeau de 200$ ainsi qu'une carte d'essence de 50$ parmi les personnes qui vont vouloir nous laisser leur adresse courriel. Donc on va. Je pense que ça va être un élément qui va être très intéressant. On a déjà plus de 850 répondants depuis le début de la semaine. Les cartes, ça marche beaucoup, je pense. Ben oui, est-ce que dans la section chasse-galerie, vous avez la question, genre, entre quelle heure et quelle heure préférez-vous vous rendre à la chasse-galerie? Non, on l'a posé autrement. On a demandé matin, midi, bon, matin, midi, après-midi, puis soir. Ah, c'est bon. Je dirais c'est que la clientèle va en montant selon l'heure de la journée. Ouais, c'est sûr. C'est merveilleux à voir. Absolument. Je suis content que vous ayez des déjeuners à la chasse-galerie. Ah oui, c'est vrai. On en a discuté hier avec la cuisinière. Ouais, on est rendu chummy. Ouais, qui est passé à l'émission. Des œufs ou peut-être. Je sais pas encore. Ça serait merveilleux. Avec son nouveau bacon de tofu. Miam miam miam miam miam. Ah, ça c'est bon. C'était essayé. Hey, en fait, c'est notre grosse pointe, ça le dresse avec le nouveau. Est-ce que vous avez goûté? Oh, vous avez goûté le mac and cheese en même temps que moi? Non, j'ai pas goûté. Je goûte demain, aujourd'hui, jeudi. Aujourd'hui, moi, j'avais goûté le BLT vegan. Oh. Que j'ai essayé hier, moi. Ouais, mais là, j'ai eu un spoiler pour ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai eu le droit de goûter certaines choses qu'il y avait déjà à l'intérieur. Oh mon Dieu. Mais j'ai pas goûté le résultat. Elle a goûté le bacon. Ouais, c'est ça. Le ça va être bon, ça. Vegan. Sinon, qu'est-ce que. Ah oui, le retour du porc effiloché, hein. Parce qu'il n'y en avait plus depuis quelques jours. Oui. T'as pas de points sur les sandwichs du mois de février sur ton horaire, là. On peut en rajouter un. Ouais, parlons-en. On est pas mal en train de le faire. C'est ça. Parce que, oui, on avait comme idée d'inviter la chef cuisinière de la chasse-galerie une fois par mois. Pas évidemment pour essayer les sandwichs, c'est pas. On veut pas être. On n'est pas si. Comment dire? Gluton. Licheux que ça, je sais pas trop quoi. Mais bref, juste au moins pour en parler. Donc, il y a, comme on l'a dit, le BLT vegan. Oui. Est-ce qu'on a le menu sur Facebook, Tania? C'est ce que je suis en train de chercher en ce moment même. Au sirop d'érable ou quelque chose comme ça. Alors, on parle bien évidemment du croque-monsieur qui est revenu. Donc, oui. Lui, il reste, c'est un classique. C'est mais... le préféré du mois de janvier. Exactement. Donc, les préférés de chaque mois devraient rester en théorie, selon ce qu'on a su. Il y en a deux qui sont restés. Oui, le porc effiloché, comme tu le disais tout à l'heure. On a le nouveau qui s'appelle le classique. Je l'ai goûté, j'ai goûté lundi. Ouais. Très bon jambon et fromage. Jambon, fromage brie, pomme, mayonnaise, pesto. Je pense qu'il fallait ça, un petit sandwich classique, là, pour quand tu sais pas trop quoi prendre, tu prends le classique. C'est vrai. Hey, j'ai tellement faim en ce moment. J'ai ça, comme pas de déjeuné temps. Avant de venir ici. Puis là, je suis comme, de la bouffe. L'émission du jeudi est tout le temps très, très alimentaire. Par la suite, on a le mac and cheese. Le fameux mac and cheese que t'as goûté, Alex, en même temps que moi. Mais ce genre de mac and cheese grillé, comment t'appelles ça? Frit, je sais pas. C'est. Explique ce qu'il y a dedans, c'est écrit à côté. C'est bon, d'ailleurs. Il y a une tranche de ballonné. Oui, exactement. Il y a une tranche de ballonné en dessous qui est au sirop d'érable, aux épices aussi. Et le mac and cheese est un peu épicé, là. C'est vraiment bon. Je sais pas c'est quoi la chapelure qu'il y a par-dessus. Panko, je peux pas vous dire, chose. Mais c'est... Oh. C'est tasty. Merveilleux. C'est tellement bon. Par la suite, il y a le bagel saumon fumé que toi, tu as goûté hier. Oui. Mardi. Mardi? Hier, mardi. C'était le BLT. Oui, mardi, j'ai pris celui-là et je l'ai adoré. Pour vrai, d'habitude, le saumon, je commence à aimer plus ça, mais tu sais, il faut qu'il soit vraiment avec une saveur dedans. Du saumon tout court, je trouve ça plate un peu. Et celui-là était parfait. Il était comme une genre de mousse de saumon. Tu sais, quand t'achètes de la mousse de saumon qui se tartine, ça ressemblait quasiment à ça, ça fondait dans la bouche. Il y avait des oignons dedans, c'était fabuleux. Il y avait des capres. Des capres. Ah oui, des capres. Et là, il en tombait plein dans l'assiette, puis je mangeais les capres à la fin, puis je trippais. Et le BLT vegan. Oui. Qui est fantastique aussi, avec un bacon, comme on disait, qui est fait avec du tofu et du sirop d'érable? Oui, sirop d'érable, sauce Worcestershire, vegan. Tout est vegan. Même dans la mayonnaise ouais, est vegan. Pour revenir, par exemple, au bagel de saumon fumé, ce que vous savez pas, je vais vous spoiler un peu, là, c'est qu'à la base, c'était supposé être une crêpe. Hein? Je l'ai goûté, cette crêpe. Mais je l'ai vu parce qu'il y a un menu qui a sorti la semaine dernière sur la chasse-galerie et on a tout de suite retiré ce fameux petit menu-là. Ouais, mais j'avais eu le temps de lire crêpe au saumon fumé. Tu m'as appris ça? C'était bon, là. Mais d'après moi, c'était peut-être en termes de logistique ou en termes de création, c'était comme trop complexe ou trop long peut-être, étant donné qu'il y a beaucoup d'autres sandwichs à faire. Fait que, ça marche sur un bagel, mais c'est... Le bagel, tu goûtes, t'as tendance à goûter plus le bagel. C'est comme dans le mois de janvier, t'avais le bagel poulet carré, bruschetta, comme ça, avec du... comment on appelle ça? Poulet. Non, la petite... aux avocats. Aux avocats, oui. C'est ça, la guacamole! Où on goûtait un petit peu trop, je trouvais, le bagel. Parce que c'est très épais, le bagel, tu comprends ça. Mais là, il y a beaucoup de saumon. Ah, OK. Énormément de saumon. Ça goûte très bon. Bref, on a fait le tour, je pense, du menu. Ouais, je pense que oui. On vous a donné assez faim. En plus des soupes du jour et des salades du jour qui sont toujours. La salade asiatique, là, c'est là quand elle repassera. Si c'est pas je suis devenu un fan fini de soupe depuis que j'ai rencontré Marilyn. Oui. Ça, barouette. Surtout les crèmes. Ah oui. Mais tout, honnêtement, j'ai goûté une soupe au bœuf la semaine passée. Oui. Je pense que j'en ai pris 3 fois. C'était. Mais ça dépend, ça dépend sur quelle serveuse tu tombes sans vouloir parler contre personne, mais il y en a qui choisissent un petit peu plus. Puis tu sais, il y en a qui mettent plus de viande, puis d'autres qui mettent quasiment juste du bouillon, mettons. C'est vrai. Fait que moi, j'ai pas mal tout le temps juste du bouillon quand je pense à la vie. Ben, t'as juste demandé à avoir un peu plus de fond de soupe. Ben oui, ça se fait ça. Ça se fait, ça. Ben oui, c'est juste parce qu'ils descendent pas la loupe jusqu'au fond. Ah! C'est pas le temps. Ah ben, je pensais qu'il était frustré contre les hommes. C'est une grosse blague que je ne pense pas. Je ne pense pas ça du tout. Alors, on est rendu à un autre point après avoir parlé de la chasse-galerie comme ça, Tania. Oui, on parle. Ça allait prendre une grosse gorgée de café. Là. Merci, mais en non, plus. Mais non, de quoi vous parlez? La semaine passée est passée directement genre au dernier point de la liste. Tu sais. Ouais. Là, cette semaine, elle est en train de boire son café. Mais oui, c'est pas de ma faute. C'est drôle. Il y a eu le Rassemblement national académique. Oui, il se déroulait samedi dernier, donc j'en avais parlé un peu dans la chronique précédente, donc je ne m'étirerai pas là-dessus. Ça a été un grand succès. Tout le monde a bien apprécié. On a rencontré du monde des associations étudiantes d'un peu partout au Québec, entre autres pour la première fois de ce mandat-ci, LUCO. Ah, LUCO. Oui, en fait, je ne connais pas eux autres. Vous devez être LUCO, puis effectivement, je ne m'étais pas trompé, c'était LUCO. Puis bref, ils étaient là, puis ils ont bien apprécié, je pense, leur événement aussi. C'est en Outaouais, ça? Ouais, Outaouais ou Ottawa? Outaouais. OK. Outaouais! Quand tu connais pas la réponse, je le savais. Avant, hein? Mon père a dit ça, je pense, Tania. Hein? Ah, mon exactement. Père, il savait ça. Ouais, mon père, il savait ça. Mais bref, tout ça pour dire que ça a été bien agréable. Il y a eu des petits débats, une petite friction à un moment donné, entre autres, une association étudiante qui n'était pas convaincue du CTS de la craie. CTS de la craie, wow. On a tout compris là-dessus. Ouais, ouais. Ouais, j'en avais parlé dans une chronique précédente. Ouais, mais CTS, c'était quoi? Pas, c'est quoi? C'est le comité de travail spécifique de... J'ai la misère avec les acronymes. C'était. Comment association qu'il faudrait que j'écrive peut-être? Parce que Créer avec un ES. Ah, Comité de réalisation d'actions interétudiantes? Ouais, interétudiantes. Stage, en tout bref. Ah, c'est pas grave. Et stage, c'est probablement le. Créer sur Facebook, vous allez trouver. Ah, vas-y sur Facebook, je crois dessus. Ouais, effectivement. Mais bref, c'est pour la compensation des stages en éducation. Mm-hmm. Oui, ça. Puis, surtout les stages 4, entre autres. Bref, il y a des partis politiques qui ont déjà commencé à prendre des positions à ce sujet-là. Puis, il y a une une espèce de réunion entre les différentes associations étudiantes qui permet justement de faire avancer ce dossier-là. Puis présentement, ben, il y a eu un débat là-dessus qui a comme un peu éclaté samedi dernier lors du Rassemblement national académique, vu que c'était sur le sujet de la rémunération des stages. On a entre autres parlé avec le président par intérim de la FIDEP qui a réussi à obtenir la rémunération des stages, l'internat en psychologie en fait. Mm-hmm. Puis d'un autre côté, l'après-midi, c'était entre l'UEC et l'AVEC, qui sont les deux associations universitaires nationales. Qui ont eu un débat justement sur la rémunération des stages en enseignement. Puis bref, ils ont cherché un peu leurs diverses formules. Puis je pense que peut-être que l'AVEC vient d'embarquer. Je suis pas certain parce que j'ai comme pas nécessairement assisté à tout ça là, parce que j'étais dans les portes ouvertes que je vais parler comme prochain point. Mais bref, ça a quand même été super intéressant là. Cool. Bel événement. T'as gâché mon prochain gag parce que j'allais dire que la raison pour laquelle Tania doit porter un foulard tous les jours, c'est qu'il y a eu une porte ouverte à l'UQTR. Puis là, mon gag tombe complètement à plat. Je suis désolé. Ouais. C'était une bonne blague. Merci. Donc il y a eu des portes ouvertes. Oui, les portes ouvertes de l'UQTR, on a essayé de recruter plein d'étudiants. Bref, ça a été un super bel événement aussi. J'ai passé 6 heures à la chaise galerie à répéter le même speech non-stop, mais maudit que c'était le fun. Mais à la fin, il était bon en maudine. Ah, ça barouette. Je te dirais que ça l'a pris à peu près 4 fois à relire mon speech, puis après ça, genre, je pinçais sur play. La caisse. Ouais. Mais bref, je faisais un beau speech sur l'implication. J'espère avoir convaincu au moins une personne de s'impliquer dans la vie. Tu sais, ce que je disais, peut-être que vous aimerez pas ça, mais essayez-le quand même, au cas où. Si vous rencontrez du monde qui sont le fun, sont merveilleux, faites des erreurs, vous apprenez à trouver des solutions, vous vous relevez, tu sais, c'est... Peut-être qu'il va te voler ton poste, côté. Peut-être qu'il va se présenter à la présidence, on sait pas. Je sais pas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alex, c'est comme, oui, vas-y! Allez, là-bas! Non, c'est une joke. Il y a aussi eu le Rassemblement solidaire à la communauté musulmane. Oui, ça s'est passé lundi dernier. On a reçu, justement, beaucoup de gens, en fait. Ça s'est organisé, je dirais, dimanche, durant les... La malheureuse fusillade à Québec. Il y a une étudiante qui a pris le relais, c'est Anne-Julie Durocher, pour ceux qui la connaissent. C'est tout le temps Anne-Julie Durocher. Effectivement. Mm-hmm. Elle est partout, elle aussi. Donc, elle a pris le flambeau. Elle a réuni les bonnes personnes autour de la table dans une conversation sur Facebook, je vous dirais. On s'est ramassé avec Jean-Philippe Charbonneau, le directeur général de GME. Il y avait Guy Haïssi, qui est le président de l'AST, le syndicat des travailleurs étudiants. Il y avait moi et Frédéric Borel, le conseiller exécutif de l'Association Générale Étudiante. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Non. Alassania Kouy aussi, qui fait la chronique aussi, qui a été beaucoup marquée par l'événement. Puis, en fait, on a réuni... Ben, en fait, il y a près de 200 étudiants qui se sont réunis au Cube lundi dernier en moment de rassemblement, puis on a fait une minute de silence. Le recteur a pris la parole aussi. François-René Laure a pris la parole. Moi ainsi que Laurie, une personne du conseil exécutif de l'AST, avons pris la parole en collaboration. Puis, c'est pas mal ça. Alassania aussi a pris la parole. Donc ça a été quand même c'est un événement qui a été touchant, je vous dirais. Ça a été mais quand même un beau mouvement de soutien pour la communauté musulmane au Québec. Puis moi-même, on est allé un peu plus loin dans notre speech, en disant toutes les communautés religieuses, tu sais, de prendre le temps d'essayer de vivre ensemble, en fait là. Mm-hmm. Puis de dire aux autres communautés, vous êtes ici, chez vous. Ouais. Et les communautés non religieuses, hein? Ouais. Ils sont là-dedans aussi. C'est vrai. Ouais. Tout le monde. Ensuite, non mais tu sais, faut le dire quand même. Ça inclut tout le monde, hein? Ouais. Ensuite, après! On est t'as Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça a l'air d'être beaucoup de noms, mais apparemment que c'est une seule personne. Oui, aussi connu sous le nom de PSPP, qui va être sur le campus lundi prochain. Donc on va le rencontrer, entre autres, parce que on s'est fait dire que cette activité-là, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui va un peu partout au Québec. Puis, c'est un world tour. Oui, exactement. Le PUSP world tour. C'est un national tour. Okay. Ah, des fois au Québec, ça se considère comme son monde. Oui, exactement. Donc c'est pour, en fait, consultation un peu de où que le Québec est rendu, parce que le Parti québécois veut se renouveler un peu. Donc on va le rencontrer juste pour jaser un peu, puis peut-être bâcher sur le PQ si on le croit nécessaire. On peut y aller juste pour ça. Je vais être présente. Non, pour moi, je penserais pas que ça soit comme ça, mais quand même, on va jaser avec toi, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Il va aussi y avoir les remises des bourses de la fondation. Oui. De l'UQTR. Oui, exactement. C'est de la fondation de l'UQTR qui remet des bourses cette année à plusieurs étudiants pour un paquet de causes différentes, entre autres les résultats académiques, l'implication, le sport. Donc on va être là lundi prochain pour faire un petit discours même. Je commence à aimer ça, des discours, là. Je commence à être habitué. J'ai même plus à penser, puis ça s'écrit tout seul maintenant. C'est vraiment le fun. Donc bref, ça ressemble pas mal à ça. Cool. Et on termine avec le 5 à 7 sur l'emploi. Oui, activité qui va se dérouler mercredi prochain, donc pas hier, le prochain. Pas hier! Exactement. Pas hier! Là, je suis en train de me dire dans ma tête, on est rendu où dans la semaine? Mais non, j'avais plein de plans pour hier, là. Je les ai toutes pas faites. Ah non, ben moi aussi, j'ai dormi, ça fait du bien. Ah ouais. Ah, c'est ça! Alex, tu as l'air vivant! C'est vrai, les semaines passées, ils arrivent tout le temps genre en lendemain de veille d'un party quelconque. Il a tout le temps l'air vraiment fatigué quand il arrive, mais ce matin, il est comme... Ah, j'ai un peu plus de prime. Ouais, il est primé. Ouais. Mais, c'est ça pour vous dire qu'on a encore une fois 5 à 7. C'est oui. Deuxième, troisième de l'année, je pense, en tout cas. Ça va se passer à la Chaise Galerie à 17h le 8 février prochain. On fait un 5 à 7 sur le thème de l'emploi étudiant sur le campus parce qu'on trouve que c'est pertinent, mm-hmm. C'est dans notre mission. Cette idée-là est née en discutant avec le président de l'ASTRE, justement, le syndicat des travailleurs étudiants. On cherchait un projet commun qu'on pouvait mener à bout. On s'est dit, ben tiens, pourquoi pas faire un 5 à 7 en invitant les étudiants à venir entendre parler de l'emploi. Puis là, on s'est dit, on pourrait prendre la parole. Puis qui d'autre qui est concerné par l'emploi étudiant, on fait comme, ben le vice-recteur aux ressources humaines. Fait que, on a décidé de l'inviter. Il a répondu présent à l'invitation. Donc, là, j'ai une rencontre avec tout ce beau monde-là à 9h tantôt. Donc, ça va tout s'accepter. Puis vous pouvez voir, la publicité est commencée sur Facebook. Oui. La pizza et la bière sont gratuites pour les. Ben, gratuites. Il y a une consommation, attention. Puis deux points de pizza pour les 100 premières personnes arrivées sur place. Il va avoir aussi des ordinateurs sur place pour postuler sur les offres d'emploi en ligne sur le campus. Donc, puis aussi, on va parler de l'emploi étudiant, entre autres, à la Chaise Galerie et à la Halle Garderie. On va donner un petit insight aux étudiants, comment postuler à ces postes-là, puis quand. Donc, est-ce que ça avance sur les étudiants internationaux? Tu disais qu'ils pouvaient pas travailler, là. Ça avance, ce dossier-là? C'est pas sur le conseil d'administration qu'ils peuvent pas. Okay, ils peuvent travailler n'importe où. Oui, dans la mesure où ils ont un visa étudiant. Parfait, donc, vous invitez tous les étudiants, si vous n'êtes pas étudiant en théorie... Ben, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose, on s'entend. Ben, vous allez pouvoir quand même faire une recherche d'emploi. Je sais qu'il y a une personne qui m'a contacté pour savoir si elle pouvait venir réseauter à l'intérieur de l'événement pour un emploi à l'externe. Un emploi étudiant, mais à l'externe. J'ai dit, ben, il n'y aurait pas vraiment de problème. C'est juste qu'on peut pas te donner d'affichage public, mais si tu veux réseauter, libre à toi. Ouais. Et ça, c'est mercredi. 5 à 7, c'est ça? Oui, on met le 5 à 7. Génial. Donc, c'était les activités qui ont lieu ou auront lieu pour la GEQTR. On te retrouve, Alex Marchand, tous les jeudis matin. Oui. Dès 8h pour notre chronique. Oui. Merci. Et là, on a compris par le fait même que tu resteras pas pour une grosse pointe d'adresse aujourd'hui. Malheureusement, non. Il va aller manger du mac and cheese. Ouais, c'est ça. Et de la pizza. Et de la bière. Ah, wow. Pas de bière sur le campus. Non, ouais. Pas de bière sur le campus. Merci, Alex. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Nous, on écoute une pièce, justement, pour les étudiants qui vont se chercher une job. Ce sera peut-être pour pouvoir se payer ce luxe qu'on appelle un appartement. Voici Ludovic Allary, Assemblage requis. Écoute-moi. l'appartement Ludovic Alary. C'est bien ça, Mathieu? Oui. Ludovic Alary, je ne suis pas certaine. Et non pas Ludovic Canary. Ouais. Non, c'est ça. C'est ce que Alex nous a dit. Un petit peu de pit canary. C'était pas ça, non. Toujours assemblage requis maintenant. Oui, oui. On va établir une liste sur un sujet plus ou moins précis. Voici son foutu palmarès. Oui, oui, on établit une liste sur un sujet comme les fêtes à célébrer dans le mois. Habituellement, c'est pas mal ce qu'on fait, étant donné qu'on fait cette chronique très peu souvent. Donc, comme on est le 2 février, c'est le moment parfait, presque, pour parler des 15 fêtes bizarres à célébrer en février, à part la Saint-Valentin. Il n'y a pas rien que ça, il y a plein d'autres raisons de faire la fête. On a manqué le 1er février la journée nationale de fabriquage de bonbons. Oh! Ouais, on peut célébrer, bien sûr, en mangeant des bonbons, mais c'est pour les fabricants de bonbons. Le 2 février, aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, c'est le jour de la marmotte. OK. Hein? Donc, c'est pas juste le jour de la créature de la marmotte, c'est aussi le jour du film Le jour de la marmotte. Ah, pas vrai? Pensez-y un petit peu. Ensuite, le 3 février, c'est la journée de travailler nu. Ah! Hein? Donc, petite annonce, si vous voulez participer à ça, c'est la journée de travailler nu. Ensuite, le 6 février, c'est la journée nationale des barbiers. OK. Ceux qui gardent les hommes bien présentables, les hipsters bien hipsters, hein? Notre ami Alex Marchand qui est de plus en plus hipster. Tu trouves pas? Tu trouves? Dans son apparence, très, très bien rangé. C'est le président, tu sais. Ben, il est juste bien, bien c'est rangé. Ça. Il s'occupe de lui-même. C'est ça, clean cut. Il se lave. Mais là... Oui, contrairement... On ne sait pas, en fait, mais... Probablement. Il se lave. Contrairement au gars dans l'autobus ce matin qui a fait que j'avais de la misère là, à mais rester peut-être là. Peut-être que lui, il avait mis trop de savon à Irish Spring. Irish Spring, c'est le pire, je trouve. Oui, c'est vrai, hein? Quand ça, ça te pointe dans le nez, là... Ça sent la forêt au grand complet. Je suis juste pas capable, sérieusement. J'étais dans l'autobus, là, il était derrière moi à peut-être 2 sièges de distance derrière moi dans l'autobus. T'sais. Puis le trajet dure peut-être, je sais pas, 10, 15 minutes max. T'sais. Puis tout le long, j'avais de la misère, je respirais par la bouche. Oh. Ouais. Fait que t'avalais. Ouais. Dégueulasse. 7 février, c'est la journée. Envoyez tous vos doigts à vos voisins, comme dans Pour faire bye-bye. Hein? Ben voyons donc. Wave all your fingers at your neighbor's day. C'est n'importe quoi, mais ça dit donc qu'on devrait interagir avec les gens qui vivent près de vous, que ce soit de l'autre côté de la rue ou dans l'appartement en dessous. Pas 2 sièges en arrière dans l'autobus, par contre. J'espère. C'est pas mentionné. Le 11 février, c'est la journée où on reste satisfait d'être célibataire. Pourquoi avoir quelqu'un d'autre dans la vie? Simplement 3 jours avant la Saint-Valentin. Ben oui. En fait, c'est que t'essaies de te convaincre que t'es heureux célibataire. Exactement. Mais en le disant plusieurs fois, tu vas finir par te convaincre. Ben oui. Ensuite, le 13 février, c'est la journée où on se trouve un autre nom. Tu sais ce qu'on appelle du rebranding. Si tu t'appelles, peu importe, le Tania, t'as toujours voulu t'appeler, MC Tania. MC Tania, ben ça pourrait être ça. C'est la journée pour te donner un nouveau surnom, un nouveau nom, et peut-être même commencer le processus de changement de nom. Ah, pas fou. Le 13 février, c'est toujours la journée où ça dit Madly in Love with Me Day. La journée où t'es en amour avec toi-même. Dans le fond, tu prends du temps pour toi avant genre, de prendre du temps pour quelqu'un d'autre. De la ouais. Vie. Ouais, tout à fait. Toujours le 13 février, il y a beaucoup de choses qui se passent à cette date-là. C'est la journée nationale du wingman, tu sais, comme on appelle wingman, quelqu'un qui va aider l'autre à scorer, comme on appelle. Donc, cette journée-là, Mathieu, tu me dois au moins un café. OK, parfait, cool. 13 février, ça s'en vient. Ensuite, le 14 février, ça, apparemment. C'est la Saint-Valentin. Ben non, c'est la journée de la culture extraterrestre. C'est une fête au Nouveau-Mexique qui vous demande de regarder vers le ciel, vers le passé, le présent et le futur. Et de chercher les ovnis. Et de chercher les ovnis. Ensuite, le 20 février, c'est la Northern Hemisphere Hootie Hoo Day. Difficile à traduire en français, hein? Okay. Donc, les résidents de l'hémisphère nord vont dans les rues à midi, vont lancer leurs mains dans les airs et vont dire « Hootie Hoo! » C'est supposé dire « Au revoir à l'hiver. » Hein? J'ai aucun commentaire à faire. Presque aussi efficace que la marmotte, ça. C'est aussi efficace que la surtout marmotte. Qu'on va se le dire, on est pas mal dans le pire de l'hiver rendu au 20 février, tu sais. Ensuite, 23 février, c'est la journée Curling is cool. Le curling, c'est cool, si quelqu'un a besoin d'être convaincu. Hein. Ouais. Ça se passe là. Ensuite, le 23 février, c'est la journée nationale du chili. Ah, miam. Aux États-Unis. Donc, il va rester un mois avant le printemps. Assurez-vous de manger un bon gros bol de chili chaud, alors que c'est toujours très bon à l'année, mais particulièrement le 23 février. Ensuite, le 25 février, tu vas l'aimer? C'est... Non, tu l'aimeras pas, celle-là. Ah non, pourquoi? Parce qu'on est dans le mois de février, qui est ton mois sans alcool. Ouais. Le 25 février, la journée Open That Bottle Night. Non! Oui, que vous la gardiez depuis longtemps ou que vous en preniez une en revenant du travail ou peu importe. Une bonne journée pour se pogner une bouteille de champagne. Mais le pire, là, c'est que ma meilleure amie m'a offert vraiment une bouteille de vin qui semble merveilleuse ouais. pour les fêtes. Et elle est toujours dans ma chambre. Elle t'attend le ouais. 1er mars. Chaque jour que je rentre dans ma chambre, en fait, je la vois, puis là, je me rappelle que oh, je peux pas boire. Le 1er mars, c'est un mercredi, ça donne comme mal. Inquiète-toi pas, si pas le 1er mars tomberait un dimanche à minuit, j'ouvrirais bien. Ah, sûrement que le 1er mars, ça va être genre le mercredi de ta première émission de Tania Baudin en piste. Là. Ah, peut-être. Possible. Fait que peut-être que tu pourrais te féliciter de ça en buvant une bouteille de vin le soir. Peut-être. On verra bien. Le 28 février, on est déjà à la fin du mois, c'est la journée nationale de la fée des dents. Ah! Oh! Célébrer le ramasse-dents préféré de tous. Le ramasse-dents. Joué par The Rock dans un film. C'est façon efficace de ruiner vos parents. Ah voilà, à coup de pièce. Voilà. Voilà. C'est tout pour les fêtes hétéroclites qu'on a célébrées pendant le mois de février. Ça servait pas à grand-chose, mais c'est un 6 minutes de bien rempli. C'est comme ça qu'on aime ça une fois de temps en temps. Aligné sur ce rassemblage rocky.com. On prend une pause au retour à la Seigneur Couilly et une toute nouvelle chronique exclusive jamais entendue auparavant sur les régimes. Ben oui. Là. Assemblage requis en ce jeudi 2 février 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. À la Sonia Couilly qui vient d'arriver avec nous, qui a une bronchite en ce moment. Ça va super bien. Il y a bien des choses qui vont moyen ou mal dans la vie en général. Nous, on est là pour être, tu sais, pour avoir du fun, pour avoir du plaisir, même si en même temps, on est avec toi de tout cœur dans tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci. Les intentions sont là. Merci. Mais on est ici, la parenthèse de ta vie, pour avoir du fun et. C'est un nouveau sujet pour nous. Moi, je me rappelle pas d'avoir entendu parler dans tes chroniques à date de régime. Moi non plus. Je trouve qu'on devrait parler de santé. C'est des sujets qu'on a jamais abordés. Et si on l'a abordé, je m'en rappelle pas. Et puis, il reste aucune trace de ça. Donc, voici le bus magique. Seigneur Couilly, bonjour à toi, ça fait longtemps bonjour. Qu'on s'est pas vu. Ben oui. Ça doit faire je dirais au moins un mois. À peu près, ouais. Ben j'ai eu une seule chronique. Oui, au début de l'année, Au début de l'année, en janvier. Ouais, puis mais je me rappelle pas de ça, je pense qu'on avait parlé de quelque chose de bien intéressant, c'est ça. Hein, ça. Puis une branchée, t'as eu raison de moi. Ah. Mais elle ne t'a pas achevé, c'est ça l'important. Et elle est sûrement près de sa fin. On est tout le temps près de la fin de quelque chose dans ces affaires. Oui, exactement. Ça peut durer 2-3 semaines. Mais c'est pas une bronchite qui va réussir à me vaincre. Non, ben non. Ben plus fort que ça. Voyons donc. Donc, à la Sonia, aujourd'hui, on parle de régime. Je suis sûr qu'on va avoir vraiment beaucoup de questions qui vont nous venir comme ça, okay. De façon improvisée. et de notre tête. Jamais sorti de nos bouches avant. On s'est jamais posé du tout, surtout au début de l'année en janvier 2005. C'est ça. Ben, je répondrai à vos questions au mieux de mes connaissances. J'espère bien. Comment est-ce qu'on commence? En février, l'hiver touche à sa fin, j'espère. Ouais, bon. Espérons. C'est, apparemment, la marmotte a dit quelque chose par rapport à ça ou va déjà? Dire plus tard. Je sais pas, c'est pas dans Salut Bonjour, ça, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ben, en mars, l'hiver touche vraiment à sa fin, oui, bon. Quelque ouais. part dans le monde. Ouais, c'est puis ça. On commence déjà à voir des vidéos de « Oh, soyez au top de votre shape, pour votre bikini. » Nouvelle année, top, nouveau vous. Ouais, ouais. Ouais, ou ouais. soyez au top pour, ben, pour l'été, pour la mm-hmm. plage, la piscine. Corps de plage. Ouais, whatever. Mm-hmm. On commence à en voir, puis plus on va avancer dans les mois, plus on va en voir de plus en plus. Puis à un moment donné, juste avant, ça va devenir Facebook, YouTube, ça va devenir juste la niche pour tout ça. C'est ça, c'est la place sûr. Où aller quand tu veux te déprimer à ton propre sujet. Oui. Voilà. Puis le problème, c'est qu'il y a des vidéos qui sont vraiment bonnes, qui ont du bon sens, mais la plupart, c'est juste du n'importe quoi puis c'est dangereux pour la santé. Surtout les YouTubers qui, dans le fond, font pas vraiment de recherche, là, vont juste dire à peu près n'importe quoi qu'ils ont entendu dire. Ça veut pas ouais. dire que c'est vrai, là? Non. Oui. Oui. Exactement. Puis moi, il y a une chose qui me dérange vraiment beaucoup avec cette vague-là, c'est que est-ce que vraiment l'été, on doit être comme des sirènes et l'automne et puis le reste de l'année, on doit être comme des tons si on veut perdre du poids? c'est ça. C'est pour notre santé, c'est oui. pas juste pour aller à la plage avec un bikini. Ouais, bon. Pour te sentir mieux. Ça aide, le mouton. Oui. Mais, ouais. mais comme le dit le mime sur Internet, tu sais, ton corps de plage, c'est le corps que t'as. Hein? Ben oui, pas le choix. Pas la plage, c'est ton corps de plage. Non. Exactement. Puis j'avais vu une vidéo vraiment cool sur Facebook qui dit comment avoir un corps de rêve à la plage. Fait que premièrement, allez dans un magasin qui vend des maillots, puis deuxièmement, choisissez un beau maillot qui est à votre taille. C'est ça. Puis c'est noir, aminci. Mais c'est sûr qu'ils ont comme des lignes convexes ouais. vers l'intérieur, ça a l'air de t'amincir un peu. Apparemment. Oui, il y a aussi beaucoup de vidéos qui apprennent aux gens comment tremper l'œil. En tout cas, pour dire, je dis pas que l'esthétique n'est pas important. Oui, c'est important pour des gens, c'est très, très important. Puis si c'est quelque chose qui va vous remonter le moral. Puis oui, qui la va, confiance en soi. Vous, c'est ça, vous booster votre confiance en soi, puis vous faire du bien psychiquement, ben, pourquoi pas. C'est juste qu'il ne faut pas que ça nuise à votre santé puis que ça ouais. devienne une obsession. Pourquoi? Parce que si vous prenez des régimes qui vont vous permettre de perdre beaucoup de poids en un mois et puis vous allez avoir votre corps de rêve pour l'été, ben tout de suite après, vous allez reprendre. Puis le problème, c'est que vous allez peut-être reprendre le même poids, mais vous allez apparaître, plus gros, excusez le terme. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on prend des régimes draconiques pour perdre du poids, on perd du muscle au début, puis après, on perd du gras. Puis lorsqu'on regagne, c'est le gras qu'on gagne. Fait que au final, mettons, si t'as perdu 5 kilos, peut-être c'est 5 kilos de muscle ou 4 kilos de muscle, puis si tu reprends tes 5 kilos, fait que c'est 5 kilos de gras. Au final, tu vas te retrouver avec beaucoup plus de matière grasse que c'était au début. Donc c'est vraiment dangereux. Ça, premièrement. Deuxièmement, même quand on perd beaucoup de gras, c'est dangereux parce que pour plusieurs de nos viscères, de nos organes nobles, sont entourés par une couche de gras pour les protéger. En l'occurrence, on a une couche de gras qui entoure les reins, une couche de gras qui entoure les glandes surrénales. C'est pas pour rien, mais c'est parce que c'est pour les protéger contre les chutes, contre les traumatismes. C'est, une personne qui n'a pas ça, si elle tombe, elle peut... OK. Oui. Ah, et oui. on parle aussi de fractures des viscères. On parle pas... des fois, on peut croire que fracture, c'est juste pour les os. Mm-hmm. Mais on peut se fracturer, par exemple, un rein ou on peut se fracturer le... voyons donc, le mot m'échappe. Foie? Non. Poumon. Ça, c'était hangover. Ouais. Non, pas le foie. Le pénis. Mot, ben, ça, c'est une autre histoire. Ouais, tu peux fracturer, mais dans d'autres circonstances. Une autre chronique, ça. Ouais, peut-être pour une autre chronique. La spleen, j'ai... Le spleen, c'est le ça qu'on dit? Oui, ouais, mais j'ai... Il y a un nom en français, hein? Ah, ça la rate. La rate, merci beaucoup! Fait que... non, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de certains régimes que j'ai vus un peu partout sur YouTube ou sur Facebook ou chez certains blogueurs mm-hmm. et qui peuvent être très dangereux pour la santé. Par exemple, le premier régime, c'est la monodiète. c'est un régime qui consiste à, mettons pendant 3 jours, tu prends un seul aliment, de préférence un fruit. Okay. Si on veut faire une monodiète aux pommes, pendant 3 jours, tu vas rien manger que des pommes. Tania va mourir 3 fois. Oui, c'est ça. Étant allergique aux pommes. Étant allergique aux pommes. Est-ce qu'on peut faire ça? J'ai entendu récemment un régime aux champignons. Est-ce que c'est, c'est moi, je pense, qui te l'a envoyé. Des champignons chaque jour? Oui, ben, en fait, celui-là, ça disait de remplacer un repas de ta journée par un nombre X de champignons. C'était dans le beurre, comme c'est ça? À ta guise. Avec des petits oignons gratinés. Non, juste du champignon. Mais tu pouvais le préparer, mettons, vapeur. Tu pouvais le préparer à la poêle. Ça change tout. Sauf que ça disait aussi dans l'article que c'est comme vraiment pas bon pour faire, de faire ça. OK, ouais. Bon. Mais... Oh, bronchite qui se fait aller encore. Un régime au phlegme, au mucus. Là, je pense que je suis au régime aux antibiotiques parce que ça fait tellement longtemps que j'en prends. Est-ce qu'il est aux bananes? Pardon? Non, c'est rendu les antibiotiques aux bananes? Ouais. Non. Ça, c'est moins pire que de remplacer tous les repas pendant 3 jours avec des pommes. La raison de cette monodiète, ils disent que, premièrement, si on veut perdre du poids, la première chose, c'est se détoxifier le corps, éliminer toutes les matières fécales qui sont prises dans nos intestins, blablabla. Un lavement qu'on appelle. Il y en a qui, oui, c'est ça. Et puis, il y en a qui disent, ah, savez-vous, vous avez au moins 3 à 4 kilos de déchets ou de matières fécales qui sont stockées. Puis, ce régime-là, ça permet de détoxifier puis de tout libérer. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est un régime qui va vous permettre de, si vous, de perdre du poids puis de libérer toute votre tuyauterie. Mais pourquoi? Premièrement, parce que c'est juste un seul aliment. Mm-hmm. Donc, vous perturbez toute la machinerie de la digestion. Deuxièmement, vous prenez pas de protéines, vous prenez pas de lipides, vous prenez rien du tout, fait que vous perturbez aussi votre flore intestinale, toutes les bactéries que vous avez dans vos intestins. Qui dit perturbation de flore intestinale dit tout de suite diarrhée. Puis diarrhée, vous allez vous vider pendant 3 jours, puis c'est pour ça que vous allez trouver que vous avez perdu 2 ou 3 kilos, ouais, parce que vous avez passé 3 jours juste à vous vider. Je me sens léger, oui. Ouais, exact. C'est ça. Mais vous n'avez pas détoxifié votre corps pour autant. Parce que les gens croient que quand on va à la selle plusieurs fois, OK, non, j'ai éliminé toutes les toxines. Non, c'est faux. Pour éliminer les toxines, il faut beaucoup plus que ça. Et puis, ça prend plus de temps. Comme il y a beaucoup de boissons détoxifiantes naturelles, par exemple, on peut mettre de l'eau avec du concombre, thé et citron, ou de l'eau avec des fraises et du citron, ou de l'eau avec du citron et des framboises, ou de l'eau avec, mettons, du citron et des pamplemousses. Mais quand je dis citron, quand je dis tout ça, c'est mettre des petites parties de ces fruits-là dans ton eau pas que tu vas concentré. Boire. C'est, non, pas ça du concentré. Mais mettons une tranche de citron puis 2 tranches de fraises que je vais mettre dans ma bouteille d'eau que je vais boire toute la journée. Okay. Donc, ça va permettre de donner un petit coup de pouce à mon foie pour détoxifier mon corps. Ensuite, je bois beaucoup d'eau, donc j'élimine les toxines avec l'urine, parce que les toxines, ça va aller avec l'urine. Mm-hmm. Mm-hmm. Et troisièmement, je n'irrite pas mon estomac. Parce qu'il y en a qui prennent, mettons, un verre d'eau chaude avec du citron, mais du pur citron. Ouais. Ça, c'est très irritant pour l'estomac parce qu'à force, ça peut produire des ulcères ou des gastrites. Mais c'est acide. C'est vrai. Oui, c'est acide. Aussi, quand on est étudiant, puis pendant la mi-session, on est déjà stressé. Puis quand tu es stressé, ton estomac, il ne fonctionne pas à son optimum. Tu es stressé, puis tu rajoutes du jus de citron. Là, ça commence à faire un peu trop pour ton estomac. C'est une belle équation pour faire un ulcère. Il y a aussi un autre régime de thé détoxifiant que j'ai vu pas mal sur... pas mal toutes les réseaux sociaux. C'est ça, toutes les réseaux sociaux parlent de ça. Pour être honnête, je me suis pas procuré ce thé pour voir vraiment la composition. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut être très vigilant, lisez la composition. Normalement, un thé détoxifiant, ça devrait être du thé soit avec des extraits de gingembre ou des extraits de citron, quelque chose comme ça. Dès que vous commencez à voir des noms bizarres ou des noms qui ressemblent à un nom chimique, ben, vous pouvez aller sur Google ou bien sur PubMed ou sur Ask, qui sont des sites vraiment, qui sont des sites de confiance. PubMed, on retrouve toutes les recherches scientifiques qui sont faites. Puis, vous pouvez voir s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose concernant le nom ou la molécule que vous cherchez, ben, c'est sûr que vous allez le trouver là. Puis c'est ça, fiez-vous à votre bon sens. Mais comme j'ai dit, la meilleure manière pour avoir des boissons détoxifiantes, c'est de les faire vous-même. Comme je dis, de l'eau avec des fruits, ou même vous pouvez faire votre thé. Vous savez, j'avais vu une vidéo très intéressante. On a râpé un citron, puis on a râpé du gingembre. Puis on a mis une cuillère de miel, puis on a gardé ça au réfrigérateur pendant comme 3-4 jours. Okay. Puis pour rendre votre thé détoxifiant, vous avez juste à prendre du thé vert, mm-hmm. puis mettre une cuillère de ce que vous avez préparé. Premièrement, vous avez le thé vert, qui est un thé très bénéfique pour la santé. Vous avez le gingembre, qui est détoxifiant, puis qui booste aussi le métabolisme, mm-hmm. qui aide à brûler les calories. Et aussi, vous avez du citron qui là, le citron va plus être acide parce que vous l'avez neutralisé avec le miel, puis vous l'avez neutralisé aussi avec le gingembre. C'est très bon, mais... C'est très bon, mais c'est très bon. Et aussi, vous êtes sûr à 100% de ce que vous buvez. Ça, c'est l'essentiel. Le contrôle sur votre mixture. Exactement. Tout à l'heure, tu parlais de mettre, par exemple, tranche de citron, tranche de fraise dans une bouteille d'eau, mais de la garder toute la journée. Est-ce que ça ne va pas, à un certain moment, perdre son effet rendu, mettons, à 4 heures de l'après-midi? Si on met... De préférence, il faut mettre ça dans une grosse bouteille d'eau, mm-hmm. mettant un litre d'eau, puis déjà, pour une bonne partie de la journée, tu vas avoir tout le... Tu vas le garder tu pareil. Tu vas le garder pareil. Puis même rendu à 4 heures, ça ne perd pas à 100% toutes ses... Okay. Toutes ses vertus. C'est sûr qu'à la fin de la journée, il faut... C'est rendu melotte un peu. Il faut jeter ça. C'est rendu melotte, menotte. Pour... Melotte. C'est ça. Oui. Donc... Moi, un régime que j'avais lu, je me demandais vraiment si c'était quelque chose de bon. Il y a une application très à la mode en ce moment qui s'appelle Zéro, où on dit d'arrêter de manger vers le coucher du soleil et de ne pas manger pendant, je crois que c'est 14 heures par la suite, jusqu'au lendemain, t'es supposé sauter par-dessus toute la nuit et un petit peu le matin, et après ça, déjeuner après 14 heures. Okay. De bon, sommeil. Ça? De pas avoir mangé dessus. Juste de l'eau. OK. 14 heures, c'est un genre de jeûne. C'est bon, ça? Oui, ça rappelle un peu le jeûne. C'est bon si on peut le faire pendant une petite période. Mais c'est pas un régime à faire, mettons, pendant une semaine ou pendant un mois, par mm-hmm. exemple. Ouais. Il faut demander à son médecin avant. Il faut demander à son médecin avant pour voir est-ce que physiquement, est-ce qu'on est capable de faire ça. Deuxièmement, ce qui m'inquiète dans ça, c'est que vous allez priver votre cerveau de nourriture pendant 14 heures, fait que c'est vraiment long, surtout si on prend ça dans un contexte étudiant. Mm-hmm. Si tu me dis que tu arrêtes à étudier au coucher du soleil puis que tu veux faire ça, d'accord, mais si tu restes à travailler tard le soir puis tu vas faire ça, premièrement, ton rendement va pas être optimum, tu vas juste te fatiguer, mm-hmm. et c'est très dangereux pour le cerveau parce que tu lui demandes de fournir de l'énergie, mais tu ne lui donnes pas. Fait que je dirais, dans un contexte étudiant, ça pourrait être à la rigueur dangereux, mais c'est vraiment pas une très bonne idée. Okay. Mais dans un contexte hors étudiant, je dirais, premièrement, qu'il faut demander au médecin pour voir mm-hmm. si on est capable de... Parce qu'il y en a qui ont des antécédents de gastrite et des antécédents d'ulcère. Puis ces personnes-là, ils ne doivent pas se priver de nourriture pendant longtemps parce que c'est... Souvent, c'est des gens qui ont un problème avec la gestion de l'acidité de l'estomac. Puis s'ils mangent pas pendant longtemps, fait qu'ils risquent d'irriter encore plus son estomac. Okay. Parce que quand on y pense, même sans faire exprès, des fois, ça peut arriver. Comme, mettons, tu manges, je sais pas, à 18 heures, plus 14 heures, c'est 6 heures à 6 heures, ça fait 6 heures. Et après ça, 8 heures. Je mangerai pas, tu sais, mettons 8 heures, ça fait 14 heures, mais je mangerai pas avant des fois peut-être 9h30, 10h. Mm-hmm. Fait que sans faire exprès, t'as fait ton 14 heures. Faut faire mm-hmm. attention à ça. Faudrait peut-être manger un petit quelque chose dans la soirée. Oui, exactement. Okay. Parce que si on soupe, mettons tôt, si on soupe vers 18h, puis on va se coucher vers minuit mm-hmm. ou vers 11h, ben il faut penser à une petite collation okay. entre le souper et l'heure du coucher. Sac de chips? C'est pas vraiment le genre de collation dont on parle, Mathieu. Sauf si c'est des chips que tu as faites par toi-même, puis des chips végés. Ouais. De patates douces. Mais là aussi, à la rigueur, fait que la meilleure collation, ce serait peut-être, je veux pas rentrer dans le débat du lait, mais ça serait peut-être un verre de lait ou un petit bol de céréales ou un fruit, c'est l'idéal. Ouais, ouais. Avec une petite tasse de thé ou de tisane, ça serait vraiment le genre de collation à... C'est le genre de collation que je prends d'habitude. Ouais, un petit bol avec du lait de soya. Ou des trucs. Mais aussi, ce qui peut arriver souvent, c'est par exemple, tu sais, la fin de semaine, on va dormir beaucoup plus tard. On va se dire, ouais. Là, je me suis levée de bonne heure toute la semaine, puis que là, je me donne le droit de dormir, par jusqu'à exemple, jusqu'à midi. Ouais. Ah, ouais, okay. Mais à midi, tu vas dîner, mais t'as déjà manqué le déjeuner. Donc, tu mangeras pas avant le souper. Ah non, moi, je mange le déjeuner à midi. Ouais. La fin de semaine, tu vas souper très tard. Ouais. Comme par exemple, moi, le samedi, je vais pas manger à 17h. Souvent, ça va être. Ouais, c'est ça. Donc, de ce côté-là, il y a cette espèce de moment aussi dans la journée où tu te dis ah non, mais là, je suis rendu trop proche du souper, je suis pas assez proche de. Tu veux te retimer comme ça. Exactement. Puis c'est là aussi que l'acide fait en sorte que tu, à un moment donné, tu bloques. Tu fais juste comme tu peux plus manger. Ouais, des tonnes, c'est comme des passés. Ouais, exactement. Autre chose à laquelle il faut faire attention quand on fait des périodes de jeûne, par exemple, c'est quand on va rompre le jeûne, il faut pas s'abattre sur la nourriture, faut pas trop manger. Une grosse poutine. Oui, c'est ça. Ouais. Par exemple, si tu mettons, je prends l'exemple d'un kilo de pommes de terre. Ouais. Si ton kilo de pommes de terre, je dis pas qu'il faut manger un kilo de pommes de terre par jour, mais c'est beaucoup. Si ton kilo de pommes de terre, tu l'as mangé sur, mettons, 3 ou 4 fois par jour, ton corps ne va pas en faire la même chose que si tu l'avais mangé one shot. Parce que quand on prend un repas, le corps, ben, après la digestion et tout ça, on prend les nutriments qu'il faut, on prend le sucre qu'il faut, puis le reste, on le stocke. Mm-hmm. Donc, si tu donnes beaucoup, on va prendre ce qu'il nous faut, puis on va tout stocker le reste. Mais si tu prends un peu ou juste ce qu'il faut, ben, on va utiliser ce qu'on a et puis on va rien stocker. Donc, si je prends mon kilo de pommes de terre à la fois, je vais prendre juste le sucre qu'il me faut, puis je vais stocker tout le reste. Mais si mon kilo de pommes de terre, je le divise en 3 fois, chaque fois, je vais prendre ce qu'il me faut. Puis peut-être que si c'est 3-4 fois, je ne serai pas rendu à stocker ou je ne vais pas stocker la même quantité. Donc, si les quantités sont très importantes, le fait de sauter un repas et de dire, ben moi, je vais prendre juste 2 repas par jour pour perdre du poids, mais mes 2 repas, je mange des quantités phénoménales de nourriture, c'est ce qui va se passer parce qu'on a faim. Puis là, pendant très faim, on ne peut pas contrôler la satiété, on ne peut pas s'arrêter quand il faudra s'arrêter. Donc, ça ne sert vraiment à rien, juste de sauter un repas puis de manger, manger trop. Il y en a beaucoup qui font ça, pour vrai, je l'ai vu souvent. Oui, il y en a beaucoup qui le font. Il y a beaucoup d'entraîneurs aussi qui disent de tout le temps avoir une collation avec toi, peu importe où tu es. Des noix. Que ce soit des noix ou que ce soit un fruit ou encore une barre tendre qui est vraiment très nutritive pour que tu aies quelque chose au moins à manger si ça fait vraiment longtemps que tu n'as pas mangé. Ouais. Tantôt, j'ai parlé des 14 heures qui finalement étaient 13 heures. Apparemment, c'est la recherche du docteur Sachin Panda où on jeûne pendant 13 heures. Il y avait aussi le 5-2. Les participants prennent 5 jours où ils mangent normalement et 2 jours où ils réduisent leurs calories à la place de faire un jeûne. Est-ce que ça se tient, ça? Oui, ça peut se tenir parce que c'est juste 2 jours, c'est pas dangereux pour le corps. C'est comme si tu disais comme 1 ou 2 fois par semaine, tu donnes une trêve à ton corps. Ça c'est beaucoup moins dangereux que le fait de se priver de nourriture pendant de longues heures puis de faire ça régulièrement. OK. Puis une autre chose que mon ex faisait, puis je le fais encore un peu, on dirait comme pas par tradition, mais je pense que bien des gens font ça, c'est manger normalement pendant la semaine, des repas équilibrés, les choses galeries, etc. Avec des petits caramels, des petits. Et le samedi, le fast food style. Ouais, fait que le matin, meal, là, tu manges du bacon, des œufs, des frites le soir, pis t'sais. C'est-tu bon, ça? Oui, parce que, tu sais, la meilleure manière de contourner la tentation, c'est d'y céder. Oui, c'est vrai. Sinon, tu déprimes pas mal. Exactement. Puis le but dans la vie, c'est d'avoir du plaisir. On se mange. Ça a l'air très, très sexuel. Oui. Wow! C'est avoir du plaisir. Fait que on veut être en bonne santé, mais on veut pas on veut pas avoir une vie plate ou une vie où on va être obsédé juste par les calories qu'on mange. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment pas vivable. Puis les gens qui vont faire ça, au bout d'un moment, ils vont craquer. Puis c'est ça, on va se retrouver pas au point de départ, mais des fois à un point pire que le point de départ. Et ça, c'est une très très très bonne technique, tactique. C'est le fait de manger équilibré toute la semaine, puis on se donne une fois par semaine le droit de manger ce qu'on veut. Ouais. Et le corps, comme il a une semaine pour avoir une bonne routine, fait que juste une journée, ça fait pas déséquilibrer la routine du corps, mm-hmm. la routine du corps. Mais là aussi, il faut être raisonnable. Okay. Par exemple, à chacun son cheat day là. À chacun son péché mignon. Par exemple, moi, j'adore les cheesecakes. Fait que si je me dis je vais manger toute la semaine équilibré, puis la fin de semaine, je vais me permettre de manger un cheesecake. Fait que la fin de semaine, personnellement, je devrais aller quelque part où je peux manger un morceau oui, de cheesecake. Oui, une pointe. Tu manges pas le gâteau complet. Fait que si j'achète le gâteau complet, c'est sûr que je vais passer comme 3-4 jours à manger. Donc là, ça devient c'est ça, plus... C'est ça, les restants, c'est la pire affaire. Quand je commande du fast-food le samedi, il m'en reste pour le dimanche puis des fois pour le lundi. C'est ça, mais ben, ben, la meilleure façon, c'est d'aller le manger là-bas. Ouais. Puis de pas prendre de take-out. Pas parce raison. Que si tu commandes puis tu prends chez toi, fait que... Puis tu prends, mettons, je vais dire ça comme ça, de la pizza, des ailes, etc. Et puis tu te fais livrer ça. Et puis c'est sûr qu'il va en rester pour le lendemain. Ouais. Et puis tu vas pas vouloir gaspiller ça. Il faut pas gaspiller la nourriture. Ben là, fait que tu vas le manger quand même. Mais là, c'est... ça devient beaucoup. C'est l'histoire de ma vie. Fait que la meilleure façon, si vous voulez vous récompenser ou avoir une journée où vous pouvez manger tout ce que vous voulez, allez manger-le dehors ou allez acheter votre portion dehors et puis ramenez-la. Oui. Mais prenez pas le repas familial qui l'extra, puis parce que ça, c'est, il va vous rester, puis c'est sûr que vous allez en manger aussi le lendemain. Il y en a qui combinent régime et entraînement, là, poussé genre 6 à 7 fois semaine. Est-ce que c'est pas un peu trop poussé? 6 à 7 fois semaine, oui, c'est trop poussé. L'idéal, c'est 4 à 5 fois semaine. Mais on dit en moyenne, puis si on bouge 3 fois par semaine, c'est déjà excellent. Si on peut se permettre ça 4 fois ou 5 fois par semaine, c'est extraordinaire. 6 à 7 fois par semaine, à moins que tu sois un athlète ou que tu te prépares à une compétition, je dirais que c'est excessif pour le corps. Mais encore, on n'a pas tous le même corps. Fait que si ça vous tente de faire ça, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien ou à un entraîneur. Assurez-vous qu'il soit certifié, que c'est mm-hmm. quelqu'un qui a fait des études, que c'est pas au moins que, par exemple, quelqu'un qui a étudié en kinésiologie ou en tout cas, quelqu'un qui est certifié, pas juste comme un entraîneur, un youtubeur qui ou se un dit entraîneur. Qui se dit entraîneur, c'est ça, qui se dit entraîneur. Et c'est sûr que si on dépense beaucoup, il va falloir aussi manger beaucoup pour équilibrer. C'est le juste équilibre qui est l'essentiel. Donc, en théorie, on devrait peut-être pas nécessairement combiner régime et entraînement? Non, parce qu'il y en a qui veulent perdre du poids puis qui mangent vraiment très, très peu puis qui s'entraînent comme des malades. Ça, c'est vraiment dangereux parce qu'ils ne font qu'épuiser leur corps. Okay, ouais. C'est sûr qu'ils vont perdre du poids, mais c'est pas une bonne perte. L'idéal dans la perte du poids, c'est pas l'idéal. En fait, ce qu'on veut dans la perte du poids, c'est que ça se maintienne. C'est pas perdre juste et puis faire le yo-yo, puis après regagner, puis après perdre. Et une perte de poids pour qui va se maintenir, c'est une perte qui va s'établir sur 5-6 mois minimum. On va perdre comme 2 livres maximum par semaine, 1 ou 2 livres par semaine, puis ça va vraiment nous allonger à 5-6 mois. Pourquoi avec cette perte du poids, on risque pas de faire le yo-yo? Eh bien, parce que pendant longtemps, on va rééduquer le corps pour lui permettre de, voilà, maintenant, ça, c'est les calories dont tu as besoin, puis c'est les dépenses que tu vas faire, puis le corps va s'habituer à ce rythme-là, et notre métabolisme va s'habituer à ce rythme-là. Aussi, après 5-6 mois, vos habitudes alimentaires, ça devient vraiment une habitude. Oui. Puis toutes les personnes qui ont essayé ça après 5-6 mois, ils ne reviennent plus manger comme ils mangeaient auparavant parce que ça devient une bonne habitude. Ben, ils peuvent le faire une fois de temps en temps, mais ça devient comme une gâterie. Là. Tu manges une poutine dans le mois, mettons. Exactement. Ça puis, apparemment, ton esprit et ton corps, ça prend 21 jours pour une nouvelle habitude. Exactement, ça prend 21 jours pour prendre une habitude. Un 3 semaines. Oui, c'est ça. En 3 semaines. Si on l'interrompt, les 3 semaines, il faut recommencer. Il faut vraiment un 3 semaines sans interruption. Maintenant, comment est-ce qu'on peut tenir le coup les 5-6 mois pour que ça devienne une habitude? C'est long, longtemps. C'est long, longtemps. C'est comme l'hiver. Ouais. Vive le Québec. Il y a un seul secret, c'est qu'il faut que ce soit bon. Il faut qu'on se régale. Oui. Il y a tellement de plats qu'on peut préparer qui sont pas très caloriques et qui sont vraiment très, très bons, qui goûtent bon puis qui sont bons pour la santé. Il y a beaucoup de régimes qui se sont basés sur ça, comme le Weight Watchers. C'est ça, il me semble, ça me dit quelque chose. Il me semble, j'ai entendu parler de ça dans une de tes précédentes chroniques. Je me rappelle. Kilo cardio, quelque chose comme ça. C'est des régimes, ben, c'est pas des régimes, en fait, c'est des programmes. Une façon de vivre. Une façon de vivre, exactement. C'est belle des programmes. Belle et mince. C'est, c'est un style de Weight Watchers, mais québécois. Ah, ouais. Ah, OK. Fait que c'est, ils proposent des recettes qu'on peut préparer à la maison. Puis c'est des recettes qui sont, qui ont un apport calorifique, raisonnable. Mm-hmm. En fait, c'est pas des régimes qui vont vous dire non, le matin il faut manger un œuf, puis une tranche de pain, puis le midi il faut manger ça, puis là. Ça c'est vraiment des régimes trop stricts et c'est très difficile de les suivre. Mais le weight, je suis pas en train de faire de la publicité, mais j'ai vraiment fait beaucoup de recherches pour voir tous les régimes qui sont sur internet maintenant. Puis le Weight Watchers, vraiment comme tu as dit, c'est une manière de vivre, c'est une façon de vivre. C'est comme si quelqu'un te donnait des cours de cuisine. On apprend à cuisiner, puis on apprend à se régaler. Et c'est comme un coach de vie, mais écrit, j'imagine. T'as pas de contact humain avec ça. Ben, ce qui est beau, c'est qu'il y a le choix. Comme soit tu peux avoir un coach que tu vas rencontrer régulièrement, ou tu peux avoir juste un régime écrit. C'est sûr que c'est pas gratuit, mais... Il faut payer pour la nourriture aussi. Il faut payer, ben oui, mais... Ça va peut-être te coûter moins cher de... Que du fast-food, hein? Ouais, c'est ça. Puis c'est pas quelque chose que tu vas faire maintenant, que je vais suivre pendant 5-6 mois. Comme des fois, un mois, il suffit juste pour que... Parce que quand on veut commencer, on sait pas quoi cuisiner, on sait pas comment le faire. Mais quand tu as un petit coup de pouce, mettons, après un mois, tu sais, les recettes, ça va revenir. Tu vas pas passer ta vie à manger chaque jour quelque chose de différent. En fait, tu vas avoir tes préférés. Puis aussi, une bonne méthode, c'est... La fin de semaine, de se faire un menu de la semaine. Ouais. Oui. Mettons, je vais cuisiner ça. Les gens le dimanche, des fois, vont cuisiner toute la semaine. Exact. Soit tu cuisines toute la semaine, soit tu... au moins, tu sais qu'est-ce que tu vas préparer. Comme quand tu rentres de l'université ou du travail, tu sais qu'est-ce que tu vas cuisiner. Ouais, et tu vas avoir hâte, peut-être. Mercredi, c'est le soir de X repas, ça. Puis beaucoup de gens disent « Ah, j'ai pas le temps pour cuisiner », mais non, on peut toujours trouver une heure ou deux dans la semaine pour cuisiner. Et ça a des... apparemment, ça a aussi des vertus psychologiques parce que quand tu cuisines, c'est comme... C'est déstressant, tu penses à rien d'autre. C'est vrai. C'est ça, à chaque fois que tu utilises tes mains, ton cerveau n'a pas le temps pour aller penser à quelque chose d'autre. Fait que ça a aussi des bénéfices psychologiques. Puis ça a aussi des bénéfices sur ta poche. Quand tu fais ton menu puis que tu sais quoi cuisiner... Là, t'es moins susceptible d'aller acheter juste du n'importe quoi. Quand tu vas faire ton épicerie, tu vas acheter de quoi tu as besoin pour faire les menus que tu as établis. Et tu as moins de chances d'aller craquer sur les paquets de chips ou sur les gâteaux... au fromage. Les gâteaux au fromage, oui, c'est ça. Oh, moi, pour les gâteaux au fromage, j'ai trouvé une autre technique. Je le fais à la maison, puis j'utilise pas de sucre. Oh! Fait que je fais des petites quantités. Au moins, je sais à 100% qu'est-ce que j'ai mis dans mon gâteau au fromage. Puis j'utilise... Je fais des fois les gâteaux au fromage sans croûte, fait que je suis même pas obligée d'aller utiliser les biscuits de dehors. T'es invité à une grosse pointe tendresse quand tu là, veux, c'est ça. Mais avec croûte. Mais hey, tu veux rire, je suis le genre de personne qui va écouter les émissions de cuisine beaucoup, genre MasterChef. Et cette semaine, même si tu t'endors dessus des fois. Ouais, même si je m'endors dessus parfois. Cette semaine, il y a une fille qui a fait un gâteau au fromage, mais à l'intérieur, elle avait incorporé du tofu, ce qui rendait le gâteau au fromage beaucoup plus soyeux en partant. Et apparemment que c'était excellent. J'ai déjà goûté à ça, puis j'ai déjà goûté aussi à des mousses au tofu. Ça, c'est excellent, c'est extraordinaire, ça goûte super bon, puis en plus, c'est très protéique, c'est bon aussi pour la santé. Fait que, tu sais, le secret, c'est aussi de se connaître. Chacun a ses péchés mignons. Fait que connaissez-vous, soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que j'aime par-dessus tout? C'est quoi mon péché mignon? Puis il y a toujours... Un filet mignon. Il y a toujours des alternatives pour le rendre moins calorique et puis pour le rendre plus santé. Il y a aussi une émission Cuisine futée par Empressé. Oui, Télé-Québec. Sur Télé-Québec, ça, c'est une super bonne émission. Puis celle qui présente l'émission, c'est pas n'importe qui, c'est une nutritionniste. Fait que c'est quelqu'un qui a fait des études dans le domaine. Et ça donne toujours des idées recettes qui sont excellentes, qui sont pas chères, qui sont très bonnes pour la santé. Puis ils ont même sorti des livres, puis leurs livres sont pas dispendieux. Magazine aussi, je crois. Ouais, oui, un magazine. Fait que si vous n'avez pas d'idée, si vous voulez pas dépenser beaucoup d'argent, mettons avec un programme comme Weight Watchers, vous pouvez toujours vous procurer un livre, puis vous pouvez jongler avec les recettes, puis c'est ça. C'est un bon conseil, ça. Oui. Ouais. Merci. Ça me fait plaisir. Tu as vraiment fait une très, très bonne chronique, remplie de nouvelles informations. On a adoré. On a absorbé Merci. Ça. Merci. Comme du tofu, on a pris le goût de tout ce qui l'entourait pour avoir plus de texture. Exactement. Merci à Sayakuni. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'on se retrouve lundi quand même? Oui. Puis est-ce que je peux dire dès maintenant sur quoi je vais parler? Oui, ça c'est vraiment une demande spéciale. Je vais faire une chronique spéciale migraine. Oh! On aime ça. Migraine miraisin. C'est pas drôle du tout. Ça, c'était pas ta meilleure, ouais. Mathieu. On revient après la pause avec Jean-Philippe Charbonneau et on va faire une grosse pointe en dresse pour le reste de l'émission. Restez là. Assemblage requis en ce jeudi 2 février 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, on va avoir plein d'invités spéciaux. Ça va être vraiment le fun. On vous dit pas encore qu'est-ce qui se passe. On vous prépare ça et on va prendre des photos tellement c'est important. Mais avant ça, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe sur le campus universitaire. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Tu étudies à l'UQTR et tu aimes utiliser une caméra? Le réseau de l'Université du Québec organise un concours vidéo. Des prix totalisant 13 000 $ sont à gagner. Pour plus de détails, cherchez UQuébec concours vidéo sur Google. La date limite pour participer est le 19 mars. L'Association nationale des éditeurs de livres, en partenariat avec le Salon du livre de Trois-Rivières, organise le concours Livre-toi. Ce concours invite les jeunes de 12 à 21 ans à tourner une capsule vidéo sur un livre. Les participants peuvent gagner de nombreux prix comme un voyage en Europe ou des bons d'achat pour les livres. Pour plus de détails, il faut visiter la page livre-toi.ca et la date limite d'inscription est le 10 février. Vous souhaitez offrir le discours le plus éloquent du monde? La Clinique du Pitch est pour vous. L'activité est animée par le gagnant du Startup Weekend Trois-Rivières 2016, Félix-Antoine Huard, et organisée par le Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation de l'UQTR, ainsi que Ramen Code. C'est gratuit et la pizza est fournie. Pour inscription et détails, uqtr.ca/CEI et cliquez sur la section Activités. Vous avez toujours rêvé d'animer une émission à la radio? La station CIFOU 89.1 FM est à la recherche d'animateurs bénévoles. Peu importe votre expérience ou vos sujets d'intérêt, n'hésitez pas à soumettre votre projet à progcifou@commercialuqtr.ca. Aussi, une formation est offerte aux recrues. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. C'était l'Info Campus, écrit par David Ferron, du joint à Zone Campus, lu par Tania Baudin. Finalement, je prends une pièce musicale avant de passer à notre grosse chronique, une grosse pointe en dresse. Mm-hmm. Un petit peu de musique anglophone pour l'instant. Étant donné qu'on va manger, je pense que ce serait une très bonne idée d'écouter la formation New Fries. Ah, pourquoi pas? Ouais, on n'est pas là pour créer des fries! Voici Jay-Z tout de suite à Assemblage requis. Après ça, une grosse pointe en dresse. Oh boy! We'll be right back. la pièce Polarciste, avec la formation New Fries sur le palmarès anglophone. Toujours à Assemblage Rocky. On a fait ce qu'on avait à faire. Tout oui, va bien. Et voilà, tout va à merveille. C'est le moment d'accueillir notre directeur général, Jean-Philippe Charbonneau. Bonjour. C'est, c'est parce que je sors du café. Ça doit être ça. Ah, oui, c'est ça. J'ai ça, le petit rond, là. On a aussi David Ferron avec nous. Salut. Salut. Tout le monde ensemble, on va se faire une grosse pointe d'allresse. Wow! C'est une grosse pointe d'allresse, c'est la chronique qu'on doit. Un goût à un produit du tiroir, oui, un produit acheté en épicerie, en pharmacie, ou fait à la main, peut-être même. Probablement. Moi, je regarde ce qu'il y a autour du studio, là. Puis d'après moi, ça se passe à la main, cette affaire-là. Pour la première fois à la radio, jusqu'à maintenant, dans Assemblage Rocky, on a un invité pour une grosse pointe d'allresse qui va être là de façon régulière à toutes les trois semaines, selon la promesse. Oui, exactement. Exactement. Jusqu'à maintenant, je tiens promesse. C'est la première. 100% à 100% des gens ont réussi. J'ai réussi. Donc, Jean-Philippe Charbonneau, David Ferron qui est là, mais qui d'habitude vient quand on l'appelle, genre en criant « David! » C'est pas mal ce qui est arrivé à matin aussi. Surtout que mon bureau a changé de place, alors vous devez en crier encore plus fort et faire des signaux de fumée. Tellement, mais ça se rend. Ouais. Et j'ai une voix portante, fait que c'est correct. En fait, c'est que mon estomac a de très bons tympans. Ah oui, c'est ça. Il a senti l'odeur. Exact. Oui. L'odeur de ce qu'on va manger. Oui, ben justement, manger, tu m'apportes le mot manger, Jean-Philippe. Pourquoi manger? Oui, pourquoi manger? Puisque, ben, en fait, je suis pas encore sûr de la thématique de ma... Tu vas avoir un concept, c'est ça? Je voudrais avoir un concept, mais pour l'instant, il n'y a rien qui me rallie autour d'un seul et unique thème, okay. Mis à part, ben, évidemment, la bouffe. La bouffe et la grosse pointe d'allresse, évidemment. Donc, je me suis un peu lâché lousse. Je savais pas comment ça irait aujourd'hui, ce matin. Là. Donc, le temps ou les événements le autour. Le temps, le café studio. Qui est mon coude. Je sais pas qu'est-ce qui faisait là mon coude. Là. Mais on boit jamais en studio. Mais non, et voilà. C'est moi qui ai apporté ça par mes gardes. C'est le boss qui a le droit. Ben, ouais, c'est ça qu'on dit. Mais là, je l'ai mis loin de moi. Donc, il va y avoir d'autres choses proches de moi, par exemple. On va voir où le temps nous mènera. Okay. Puisque, je sais pas si c'est une toune de qui. Le temps nous mènera. Ouais. Puisque j'ai plusieurs services à vous offrir. T'es pas chaud. Ok, on est pas... Donc, attelez-vous, on pourrait être peut-être une vingtaine, je crois, là, finalement. Et viens-donc aux deux semaines avec moins d'affaires. Ouais, c'est ça. Mais comme je savais pas, au pire, on les ressortira une prochaine fois, on fera un off, puis disons, oui. Grosse pointe en une émission spéciale en après-midi, genre. Ah ouais. Donc, sans plus tarder, j'ai commencé, puisqu'il y a de la préparation à faire, j'ai enlevé mes écouteurs. Ok, parfait. Oui, c'est comme une émission de cuisine, pas filmée. Est-ce que tu me parles un Facebook Live, David? Ouais. Je vais aller faire m'en ça, mais... dans le bureau. OK, je vais le faire dans ce cas. Parce que hier, on a eu du succès avec Alfalfa Lutin qui a fait un Facebook Live et je pense que ce serait le moment approprié pour voir notre directeur général faire exactement ce qu'il exactement, va faire. Exactement. Donc, oui. Si vous voulez voir le Facebook Live, ça va se passer sur la page Facebook d'Assemblage Rocky. Cool. Je ne suis pas maquillé ce matin. Non, mais... Je ne pensais pas passer. Donc, on va commencer par, évidemment, déjeuner. Donc, on est le matin. Ah, t'es pas seul. Donc, la première chose que je vous offre... Lui, trois services, genre. Ah, peut-être un peu plus. C'est nouveau. C'est marqué sur l'emballage. Okay. C'est un Bagel Bites de déjeuner qui comprend œufs, bacon, fromage. C'est 9 mini bagels. Wow! Donc, j'ai amené le micro-ondes en studio. Donc, pour vrai, là, c'est pour ça qu'on veut prendre un Facebook Live parce qu'on n'a jamais eu... on a une table pour table tournante future dans l'histoire de C'est fou. On aura ça peut-être un jour. Et là, on a remplacé la table tournante par un micro-ondes. Gracieuseté de... Jean-Philippe qui l'a mis chez eux, je pense. Oui, c'est mon ancien micro-ondes. Bravo, merci, ouais. Merci. Donc, je vais lire rapidement les instructions. Donc, on me dit 2 minutes okay, 30. Oui, oui. Il y a un petit plateau de service en plus, fait que c'est donc, fancy, ou pas? Je vais le déballer. OK, oui, déballe ça dans le micro magique, s'il te plaît. Échappe pas tout à temps. Non, je vais essayer. Donc, voilà le plateau traditionnel des Bagel Bites. Ouais, c'est très populaire sur le plateau. Oui. Ah, j'ai même un technicien de scène, donc je m'en vais mettre ça en micro-ondes, je reviens. David a ouvert la porte et est parti en courant. C'est l'action la plus difficile à faire, j'imagine, ouvrir le micro-ondes. Il faut quand même appuyer sur le bouton. Ça mérite de quitter la scène. Présentement, le Facebook Live semble pas vouloir. Puis là, sur ta page personnelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement filmer. Ah oui, puis par la suite, ça va être posté sur la page Facebook d'Assemblage Rick. Ah, excellent. Donc, pendant qu'on fait cuire nos bagel bites, tant pis pour le déjeuner, on va commencer tout de suite. Tiens, Mathieu, je vais te laisser choisir. Ok, faut se, avec la main. Ou Tania, ça va peut-être être moins dangereux. Faut pas regarder. J'ai pas le droit de regarder. Non. Deux sacs de chips. Oh boy. Tu vas pouvoir en tirer puis là, un des deux. Là, j'en choisis un des deux. Exactement. Je sais vraiment pas ce que je fais. Elle aime ça se mettre la main à des endroits qu'elle connaît pas. Donc, je tiens à dire que c'était tellement inapproprié. Ben non. Ça n'a aucun bon sens, Mathieu Plante. Donc, on va commencer par déguster, juste avant notre déjeuner, des chips sandwich à la viande fumée et moutarde. Oh. Ça a l'air bon, ça fait, je sais pas, ça fait Super Bowl, je trouve. Super Bowl, j'allais dire. Je sais pas, j'ai jamais vu ça avant. Avant hier soir que je suis allé chercher des petits atouts qui me manquaient. Là, donc, l'odeur des bagel bites commence à rentrer tranquillement à se faire sentir. Ça cache l'odeur des plats excellents de la chasse-galerie. Bon. Oui, mais ouais, c'est ça. Mais ça dure, ça n'est que de courte durée. Ça va pas brûler, ça. Le micro-ondes est extra heavy duty en plus. Ça devrait pas. Okay. Si ça brûle, on va les goûter comme ça. Donc, j'y vais tout de suite par l'ouverture des chips sandwich de viande fumée et moutarde. Double Dutch en plus sont super épaisses d'habitude. Oui, finalement, on est en direct. Oui, je suis à remercier David qui m'a prêté son téléphone. Rapidement, ben de rien, en fait, c'est toi qui filmes, Tania. Ouais, puis c'est comme à contre-jour, c'est vraiment horrible. Mais bon. Ça sent le pain... J'illumine. Qui a été grillé, je trouve. Ça sent surtout le pain. Ça sent tout comme le smoke meat. Oui, attends, je l'ai, smoke meat. Oui, je l'ai eu. Oui, moi aussi. Ça sent le hall dress... hall dress smoke meat. Je vais en prendre une, puis juste la ceinture. Tiens, David. Yeah. Filme la senteur dans le téléphone. Oui. C'est ça, je fais. Du moins, j'ai Facebook va le faire bientôt. Sur bonjour. David, tu manges pas tout de suite. Je sais que t'as de la misère à attendre. Là. Ok, merci. Oups. Je n'en peux plus. Ouais, ça sent quand même le barbecue un petit peu. Ça sent un peu le barbecue. À l'ancienne, je trouve un petit peu sauce là, onctueuse barbecue, les Lay's à l'ancienne. Ouais, bon. Vraiment. Et c'est marqué que c'est l'édition Food Truck. Food Truck? Oui. Oh. Quel Food Truck fait des... OK, on parle du hoagie, le genre le pain avec C'est vraiment édition de camion de bouffe de rue. C'est vraiment marqué ça. Donc, c'est juste pour attirer le monde avec le mot Food Truck. Oui, c'est vrai que c'est vraiment tendance. Alors, on doit goûter. On y va. Ça goûte la moutarde. Oh. Ouais, c'est fou, ça goûte exactement la viande fumée. Aimes-tu ça, David? Ah, j'adore ça. Oui, moi, je sais pas quoi penser. On dirait que j'ai encore le goût de la pâte à dents dans les dents. À défaut d'avoir pris du café. Il faut savoir qu'on se lave pas les dents avec une grosse pâte à dents. Oui, c'est ça. On se lave après. Oui. Donc, j'en reprends une pour réessayer. Je trouve qu'à la première bouchée, tu goûtes quand même vraiment beaucoup la moutarde. Mm-hmm. Ah. Après ça, ça goûte plus le barbecue. Moi, la viande fumée, je trouve, non. Je pensais que ça serait plus goûteux. C'est quand même un peu plus subtil, mettons, que des hall dress là, qui piquent quasiment un peu la langue. C'est vrai qu'ils sont un petit peu fades, mais je pense qu'on se tannerait si c'était trop intense. Oui, mais c'est agréable. Je suis agréablement surpris. Ouais. Oui, le mot que j'arrive pas à dire, agréable. Blablabla. Oui. Ça brûle pas les lèvres. C'est ça, des fois, quand c'est trop barbecue, ça finit par brûler tes... Ou trop moutarde aussi. Trop ça goûte vraiment smoke meat, en fait. Oui, vraiment. Ouais. Donc, je lance ça. C'est très bon. C'est à réessayer. Il me semble qu'ils sont un petit peu plus chers que des chips normales, celles-là, mais quand même. Oui, je suis tombé sur un spécial. Je pense probablement un spécial décès, là, je sais pas trop. Un spécial décès à cause des morts à Sainte-Foy. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on va essayer de survivre à ce sac de chips. Il ne faut pas faire de blagues là-dessus. Exactement. Mais merci, c'était très bon, ça. Oui. Et puis, là, il y en a deux. OK, montre-le pas. Garde-le pour la prochaine fois. Cache-le. La prochaine fois. On tient à dire qu'on a une vague d'amour présentement sur Facebook de la part d'une de nos collaboratrices qui est Justine Renaud. Okay. On vient de recevoir comme 1000 likes. Merci Justine. Elle peut venir nous rejoindre si elle veut. Ouais, elle est occupée pas mal, mais je pense qu'on a. Elle doit être en train de couper des tranches de cerveau. On a un public en studio quand même. Est-ce que tu as filmé le public en studio ou c'est pas permis de filmer ça? Est-ce qu'on a les droits? Est-ce qu'on a les droits de filmer les gens en studio? Parce qu'on voudrait que tu nous donnes des likes en même temps. Là, profite de nous autres. On veut profiter de toi. Là. Donc, genre en studio, est-ce qu'elle peut goûter au produit, notre public? Elle peut goûter au produit, sauf qu'on n'a pas de micro dans le public aujourd'hui. Donc là, je vais faire un zoom. JP avec son écouteur a failli tout renverser. JP, ce matin. La prochaine fois, je me mettrai pas à cette place-là. On dirait que ça va pas. Ça ou on va te trouver un fil d'écouteur qui est pas mal plus long. Oui, exactement. Ah ben, regarde, je cherchais ma plombe. Non, David, pas aujourd'hui. La prochaine fois, t'es recherché ton... T'as un fil de rallonge, hein, c'est ça? Ah, il va pareil. Il va pareil, ben oui. Je te dis, il court. Il reste peut-être genre 9 minutes à l'émission, mais il va pareil. Mais JP aura une rallonge pour les dernières secondes. Oui, donc on me disait de faire cuire 2 minutes 30. C'est exactement ce que j'ai fait. Ça a pas l'air assez cuit, on dirait. Non, c'est pas assez fondu. Ah, ça semble correct. On pourrait peut-être y aller vraiment avec les règlements de... dans le fond de l'emballage et puis si jamais on voit qu'il manque un peu de cuisson là, on pourra se refaire une deuxième vague deuxième ronde oui de Big Old Bites. Donc j'y vais tout de suite Il les a squeezés par le côté pour vraiment tenter. C'est ça qu'on fait dans la vie. Merci. Ah, squeeze-le par le côté. Il a amené des assiettes, David, c'est incroyable. Hein? Il est organisé, là. Organisé, là. Pas de sens. On a le service le 5 étoiles, ben oui. Mais des petites étoiles qui font référence à un bas de page pour dire, genre, c'est correct, moyen. Exact. C'est ça. Pour David. Oh, David. Merci beaucoup. Le plateau de service qui venait avec, quand même, pour après ça redistribuer, c'est bien fait. J'aime la grandeur de l'assiette versus ce qu'il y a dedans. Oui. Il manque une présentation de laitue et autre chose. Juste pour se sentir moins bien, pour se sentir un peu mieux. Une tomate pas de goût fade, transparente à cafétéria. Exactement. Donc, on se sent comme des géants hein, avec ça. Oui, on se sent vraiment comme des géants. Donc, je rappelle qu'on est en train de déguster un déjeuner Bagel Bites, œuf, bacon, fromage. Il y avait trois sortes. Je suis allé avec celle-ci. Donc, est-ce qu'on sent pour commencer un petit peu? Le fromage. Ça sent le petit déjeuner. Ouais. On dirait qu'il y a comme. Je sais pas si on met un petit extrait de fumée de plus, parce que ça doit pas être du vrai bacon. Ben, tu sais quoi, je serais surprise. Peut-être des bacon bits. Bacon bits. Ah. J'essaie de regarder. Oui, écoute, t'es très bon, Mathieu, puisque dans les ingrédients du bacon cuit, il y a effectivement du saveur de fumée. Ah-ha! C'est sûr. Donc, voilà. Mais quoi qu'en même temps, on dit que la fumée, bon, tu sais. Je trouve que ça sent le petit matin. Oui, absolument. Même à la chasse-galerie, dans le tofu bacon, elle met de la fumée, de la saveur de fumée par-dessus. Oui, elle nous a pas dit comment qu'elle faisait. Non. Elle voulait garder ça secret, mais on le sait qu'elle fait. C'est ce qu'on sait. OK, alors, on va y aller. Je vais y aller une bouchée, au complet. Ah, que tu y vas, une bouchée, tu fais tout ça dans la bouche. Ça dit bagel bites, ça dit pas genre bagel half a bite. Il y a un S à bites. T'as raison. Mais il y en a 8 dans la boîte. T'as une grande bouche. Moi, je suis analphabète. Analphabète. C'est sûr qu'il y a Ouais, moi, les S, je sais pas c'est quoi cette lettre-là, je l'ai dit, mais... Moi, je me lance. On y va. Oh, c'est chaud! Oh, c'est très chaud! Toi, c'est pour ça que j'ai pris en plusieurs bouchées. Moi, je suis allé d'un coup. Est-ce qu'il y a des œufs dedans, oui, hein? Oui. Ça goûte les œufs. C'est moelleux. Ça goûte, pareil comme... Tu sais, quand tu manges le déjeuner, tu fais un petit rot, là. Oui. Ça goûte le rot de déjeuner. Je suis quand même d'accord. T'es d'accord, hein? Oui. Wow. C'est genre la chose la plus dégueulasse qu'on ait dit à une pointe en dresse. Ben ah, ça goûte le rot de déjeuner. Une fois que tu le remarques, c'est vraiment ça que ça goûte. La plus, c'est que c'est vrai, en effet. Ouais. Bon appétit, les enfants. Ouais, c'est ça. Ben, si c'était croustillant, là, si le petit bagel était croustillant. Ouais. Mais là, c'est sûr qu'on l'a mis au four micro-ondes. J'en mettais dans un four conventionnel. Je pense qu'on devrait. On gagnerait vraiment à les faire cuire au four ou peut-être les commencer là, une minute ou deux au micro-ondes puis finir ça pour avoir un croustillant là, de four parce que le pain est vraiment dur à mâcher. Ouais. Je sais que notre public est végétarien, mais s'il veut essayer, il en reste. Oui, exactement. Il doit pas avoir. On me regarde avec des yeux en voulant dire non, mais tu viens de dire que je suis végétarienne, ta gueule. Et t'es encore à l'essai. Exactement. Sa période de démo n'est pas encore finie pour le végétarianisme. Le temps de te laisser tenter. Elle n'est pas là pour se défendre. Bref, OK, c'était pas si pire, c'était pas mauvais, mais en tant que tel, le pain aurait pu être plus croustillant ou plus... la texture est comme un petit peu caoutchouteuse, non? Oui, il y a une genre de sauce aussi là, qui est entre les œufs, Le bacon et le fromage. Et le fromage, je sais pas c'est quoi, on dirait une genre de mayo maison. Ben moi, ça m'a fait penser à des sauces bénédictines. Un peu. Vraiment, ouais, un peu. C'est quand même lourd, mais j'en mangerais peut-être pas plus. Il y en a beaucoup dans la boîte, hein? Oui, quand même. T'en manges deux, puis il y a tout ça. C'est ça. Ben, c'est fait pour être un à-côté, je pense, à quelque chose. Ben, moi, je mange un à-côté à quoi? C'est censé être un déjeuner. Non, mais mettons, je sais pas, tu te fais des œufs, tu te fais du bacon, tout ça. Puis là, tu te fais ça. Non, mais il te reste encore un petit creux, tu sais. Tu viens de roter, là, tu fais. Je mangerais plus de rot, c'est ça, exactement. Ah, tu sais, t'as pas de bin, mettons, fait que tu manges ça. Et puis là, il faut que je me reprenne. Il y en a pas 8 parce que là, j'étais en pleine. Il y en a 9. Il y en a 9. Parce que j'étais en train de compter qu'il en restait 5. Putain, on est 4 autour de la table. On manger mais ça pareil. Arrive souvent, hein, ça. Mais c'est 8 grammes de protéines qu'ils disent par 88 grammes. T'es supposé prendre combien de grammes de protéines par jour? Puis ça équivaut à quoi, genre? Ça doit être grâce à l'œuf. Grâce à... Oui, ben probablement. Ben, sûrement, c'est des vrais œufs qu'il y a dedans? Ben ça me semble être des vrais œufs, honnêtement. Parce que oui. On vous le mettra ça sur Facebook. Je sais pas, Mathieu, au fond de l'assiette, il y avait ça. Est-ce que tu crois que c'est des vrais œufs? C'est un vrai morceau d'œuf. C'est un vrai morceau d'œuf. Ça ressemble au Dunkin' Donuts quand il faisait. Tu sais, il faisait des sandwichs préfaits, genre. Oui. Puis il passait dans le micro-ondes. Oh mon Dieu, oui. Ça ressemble un peu à ça. Oui, ben c'est ça, ça a fermé aussi. Fermé. Exactement. Ah, oh, wow. Là, je vois que le temps file. Il faudrait terminer bientôt. Il va falloir terminer bientôt. Donc, je vais skipper ce qui reste. C'est pas si grave. Ah, c'est triste. Je vais terminer avec une récurrence. Okay. qu'il va avoir sur le plateau d'une grosse pointe en dresse dans mon... Donc là, c'est vraiment dommage parce que j'ai oublié deux tasses et mes verres, mais on va avoir du Dr. Pepper pour les altérer. Pour le déjeuner, mon père mangeait un Joe Louis puis du Pepsi. Je l'ai même mis dans un petit truc qui reste frais. C'est ton genre de déjeuner, ça, hein, c'est Mathieu? Vraiment cette famille, je pense. Pour c'est, vraiment c'est laver clairement, le fond. Donc, je me doute bien qu'on a déjà goûté tout le monde du Dr. Pepper. Je trouve que c'est quand même une bonne boisson. C'est la boisson favorite à mon père, animateur de Très Blues Assez Fou. Les jeudis à 18 ans. Exactement. Si vous lui offrez du Dr. Pepper, je pense qu'il vous embrasse sur le champ. C'est vrai. Savez-vous aussi ce qui est bon, c'est du Dr. Pepper diet. On n'en a pas ici, mais apparemment qu'il goûte vraiment pareil comme le vrai Dr. Pepper. Ah, j'en ai pas vu. Je dois avouer que j'en ai pas vu, mais peut-être la prochaine fois, on pourra faire des petites. David est tellement ça coche. Oui, comme, vraiment. T'es un technicien. Et comment de scène, il a réussi à faire ça? Il a pas demandé à la fille. Il les a juste pris, Il a sauté derrière le comptoir comme ça, c'est un Voldemort, mais il a pris juste 3 heures. Ça m'étonnerait pas qu'on voit des agents courir à la recherche des copes. Et que sûrement les empreintes des pieds de David sur le comptoir, fait qu'on va pas le trouver facilement. Donc la prochaine fois, je les ouvrirai un peu plus tôt. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, on n'aura pas de chroniqueuse. C'est bon, ça a pas trop brassé. Non, ça a bien été. Tu l'as vraiment gardé dans un truc. C'est vraiment un format familial. C'est un méga, une méga canette. On va juste mettre des petits fonds, hein, on sait jamais qu'est-ce qui peut. Oui. On dirait un 2 litres. C'est comme un 2 litres de quelque chose. Ouais, mais je savais pas trop, on serait combien. Merci, Jean-Philippe. Et voilà. Est-ce qu'on prend chacun un dernier bagel bite? David, j'aurais besoin de ton verre, s'il te plaît. Je vais te donner celui-là. J'ai pas bu dedans, ni craché. Ne t'inquiète pas. Ouais, moi, oui. Non, ça aurait. Qu'est-ce que t'en penses si on se prend un autre bagel bite avant? Mais je sais que David en veut un autre. Je te proposerai un petit dernier truc si tu veux bien, parce que je vais le perdre. Ah, ça, il faut pas le perdre. Donc, faut pas le perdre. Donc, je suis allé vraiment. Je sais pas trop c'était quoi la ligne directrice que j'avais derrière tout ça, mis à part ne pas manquer de bouffe. Donc, on peut quasiment dire qu'on a eu finalement un trois services. Ben oui, c'est ça. Donc, on a eu le petit déjeuner, on a eu des chips, et là, on va finir le tout avec. Se mange surtout avec les mains. Donc, le nom de la boulée, c'est Boulangerie Bloin, okay. À l'île d'Orléans, à Québec, j'imagine bien. Je connais pas d'autres îles d'Orléans. Donc, c'est des roulés feuilletés à la crème. Hein? À la crème? Oui. À la crème. Mais c'est fabrication artisanale. C'est juste crème, il n'y a pas genre fraise ou caramel ou rien. C'est juste crème. Je suis vraiment contente que je me sois entraînée pendant 1h15 hier. Oui, oui, mais on peut y aller de la bouchée. C'est ça, on vous parlait aussi de désintox juste avant. Oui, c'est ça. Et de tofu, finalement. Donc, c'est ça, Mathieu. Oh my god! Je te laisse. Ça ressemble en fait à des cannelloni italiens là, qu'on fait à la crème. Des cream puffs, comme on appelle. Moi, je pense que je vais le diviser. Non, je sais que David en veut un complet, là, mais je vais prendre juste une bouchée, tu sais. On va se le partager. OK, on va se le partager. On y va rapidement, on doit se dépêcher un petit peu. Donc, vas-y, David, je te laisse te servir. Ça sent pareil comme un feuilleté. Il en prend un complet pareil, lui. On vient de dire on va se séparer, mais il y en a un pareil. C'est mais j'ai croqué, je te donnerai. C'est peut-être moi qui ai tout mélangé, tout le monde. Donc, allons-y. On y va. OK, on y va. Il y a une petite poudre dessus, hein. Ouais. De sucre. Ouais. Une poudre de sucre. Alors, en plus, son froid, ça fait très profiterole, vraiment. Très bon. Ben, c'est pas mauvais. Non. La pâte, mauvais. C'est pas mauvais. C'est excellent. Oui, c'est ça. J'aurais pris un petit côté citronné là-dedans. Ah ouais? Ouais, je réfléchis à tout ce qui va exactement où est-ce que ça devrait pas aller. C'est-à-dire dans les fesses. Dans les fesses. Mais on dirait qu'ils sont comme... Squatter, les gars, squatter. C'est tellement fait à la main que ça, le niveau de grillé est comme différent sur chaque, on dirait tellement que ça a été fait vraiment comme... Oui, puis on va garder l'emballage vers le haut. Hein. C'est vraiment déprimant de lire les valeurs nutritives. On s'en fout. C'est pour ça que j'ai donné le restant du mien à David. Oui. Donc, le Dr. Pepper. Oui, c'est vrai. Donc, on va se gargariser le tout. Oui, faire passer le tout. Très pétillant, hein? Oui, vraiment. En canette, c'est meilleur qu'en bouteille. Il est vraiment très bon. Ça faisait longtemps, je pense, que j'en avais pas bu du aussi froid. C'est vrai? Ben, en tout cas, ça tient froid, le truc de tenir froid. C'est quoi? Il y a de la glace dedans? Tu mets ça au congélateur? Oui, exactement. Ouais. Exactement. Je sais pas d'où ça sort. Ça a quelque chose? Non? Aucune idée. Ça a apparu chez nous. J'ai jamais acheté ça. Compagnie Trudeau. Ça doit être dans un congrès ou quelque chose de même. Ben oui, peut-être. Ou quelqu'un qui a amené ça par mégarde et qui l'a laissé à la maison. Mais bref. C'était très nécessaire, le Dr. Pepper. Ça fait vraiment descendre le sucre. Est-ce que tu viens de terminer ton verre de Dr. Pepper? Absolument. Comment est-ce que tu fais? Moi, là, les boissons gazeuses, là, ça me remonte dans le nez automatique. Ouais. Ben, Mathieu a parlé qui retait peut-être les bagel bites. Ouais, ça a goûté le déjeuner. Un petit goût de revenez-y dans la gorge. Oui, ça va peut-être goûter un petit peu le Dr. Pepper aussi. Non, c'était un excellent segment, Jean-Philippe. La prochaine fois, peut-être un petit peu. On va prendre plus de temps. Parce que oui, là, oui, mais c'est exactement. On était à une première. C'est correct. Je voulais évaluer les choses. Je voulais pas, surtout pas en manquer. Donc, on va essayer de trouver. Si jamais à la maison vous trouvez une ligne directrice qu'on ne voit pas à tout ce qu'on apporte là, donc. On apprécie ta présence. Et t'as bien fait ça. Puis en plus avec le micro-ondes là. Oui. Quelle bonne idée. Oui, mais en fait c'était le micro-ondes. C'était supposé être un doublé. Donc, ratez pas la prochaine chronique. Ah, dans trois semaines. Oui, c'est déjà dans le sac. Ça sera déjà dans le bureau, mais je vais le mettre sous scellé. C'est un très bon plan parce qu'habituellement, on doit se prendre des produits qui sont non périssables ou en tout cas qui peuvent durer longtemps. Donc, on va pouvoir varier nos produits avec toi. Jean-Philippe, merci. Exactement. Merci, David, pour ta présence aussi. Ben, merci de m'inviter. C'est toujours un plaisir. Évidemment, vider les assiettes de tout le monde. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine. Merci pour la chronique Une grosse pointe d'adresse. C'est tous les jeudis à 9h, à 8h30, 9h. Et Jean-Philippe va être là une semaine sur trois. Oui. Super. Merci à vous autres. Jean-Philippe Charbonneau, directeur général. Nous, on termine l'émission très rapidement. Génie en liberté s'en vient dans quelques instants, quelques secondes, à peine juste après la pause. Il y a aussi le temps de sortir du studio. Le temps de sortir le stock du studio. Après ça, sur nos ondes, il y aura Patriote en action, bien sûr, à partir de 11h. Après ça, il y a le Mathieu Plante Show. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la sortie de côte à votre gauche. L'Op Trotter en direct à 16h avec David Ferron. Yeah. Okay, oui. Yeah, musique du monde. Radio Sonic à 17h. Très blues, ça c'est fou, comme tu l'as dit, à 18h. Ton père, Tania Baudin, 19h, excuse-moi. Exactement. C'est ça, c'est tout. Lundi, 6h30. Restez là, ils s'en viennent, ils sont dans la porte. Juste après la pause, c'est Génie en liberté. Ok, bye! À lundi, bye! Bon café! Oui! We'll be right back.